Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour tout le monde, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle émission d'Analyse F1, aujourd'hui consacrée aux premiers enseignements de la saison 2017. Quand je dis premiers enseignements, c'est plutôt des enseignements maintenant, des bons enseignements, puisque nous en sommes déjà à 6 ou 7 Grands Prix découlés. 7 je crois, 7 Grands Prix découlés, donc un tiers de la saison. Un tiers de la saison. Je voulais faire ce podcast, j'avais dit soit avant le Grand Prix d'Espagne ou maximum entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco. Je vous prie de m'en excuser, il faut jamais me croire hein, quand je dis je vais le faire tel jour ou tel jour, je n'arrive jamais à y tenir. Il faut avoir l'esprit large avec moi concernant ces délais que je me donne initialement et qui n'ont pas été respectés. Bon, il y a eu des raisons multiples pour ça, mais bref. Donc dans une première partie d'émission, on va commencer par les news. Donc il y aura pas toutes les actualités, j'ai sélectionné quelques actualités, grosses actualités selon moi pour la F1. Et ensuite on passera directement au sujet du jour, donc les premiers enseignements de la saison 2017. Donc évidemment, la partie news et la partie thématique sont liées. Et enfin, donc dans la dernière rubrique, la rubrique un peu libre, cette fois-ci, la dernière fois j'avais parlé du trophée Andros, vu que je m'étais rendu à la manche de Superbes en début d'année. Et là, cette fois-ci, je vais parler de toute autre chose, je vais continuer les High Speed Dating. Vous savez, c'est une rubrique que j'avais mis en place l'année dernière, où je reviens sur la carrière de chacun des pilotes en activité pour tout simplement voir comment ils ont évolué, comment ils sont arrivés en F1, comment un peu ils poursuivent leur carrière en F1, mais surtout comment ils sont arrivés là, quoi, leur avant-carrière F1. Et aujourd'hui, donc, ce sera consacré à Sergio Pérez, le pilote mexicain, qui a été bien en vue, d'ailleurs, durant le Grand Prix du Canada qui s'est déroulé hier, vu que j'enregistre ce podcast. On est le lundi 12 juin 2017. Voilà, et je l'ai préparé avant, le podcast à l'écrit. Donc, normalement, ça devrait aller. Normalement, j'aurais pas trop de choses à modifier. Il y a pas trop d'enseignements qui ont changé par rapport à ce que j'ai noté avant le Grand Prix. Mais je vais m'adapter de toute façon. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite le podcast par les news. Les actualités, donc. Et bon, je vais commencer par ce qui me tient le plus à cœur et ce qui est le plus, on va dire, le plus récent. C'est Robert Kubica. Et oui. Robert Kubica. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce nom depuis des années et des années. Pour ceux qui suivent la F1 depuis moins de 5 ans et qui ne sont pas trop intéressés, on va dire, à l'histoire de la Formule 1 et voilà, aux pilotes qu'il y a pu y avoir, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un pilote polonais donc qui a fait quand même pas mal de Grands Prix de F1, plusieurs dizaines de Grands Prix de F1, notamment chez BMW Sauber, chez Renault également, et il a gagné un Grand Prix, le Grand Prix du Canada en 2008, et a fait des belles performances tout au long également de sa courte carrière en F1, trop courte hein, diront beaucoup, vu que voilà, on avait vu son talent, sa pointe de vitesse, et il était très prometteur pour l'avenir. L'avenir qui est maintenant, on va dire. Eh bien, Robert Kubica, qui a donc subi un terrible accident en 2011 en rallye, qui l'a privé quasiment de l'utilisation. Enfin, il pouvait plus piloter, quoi, avec ses bras et ses mains, avec ses blessures qu'il a eues. C'était pas possible. Pas possible. Alors, petit à petit, il s'est donc fait opérer. Il a subi une rééducation. Il a bénéficié d'une rééducation. Et donc, il a pu reconduire, mais pas n'importe quoi non plus. Hein. Pas des F1, quoi. Les F1, c'était impensable. Je me souviens, c'était il y a 2-3 ans, donc quand même assez récent, dans une interview, il disait, bon, ben, parce que évidemment, quand on interview Robert Kubica, on lui demande, ouais, est-ce qu'un retour en F1 serait envisageable? Et il avait dit, Il avait dit clairement, non, non, il faut pas, je n'y pense pas, faut oublier ça parce que les F1 demandent trop d'efforts et je ne pourrais pas tenir sur la longueur d'un Grand Prix. Tout simplement, il a dit qu'il y avait peut-être quelques circuits qui sont moins exigeants que d'autres où il pourrait tenir, on va dire, mais ce n'était même pas sûr, mais bon, fallait oublier. Donc, à partir de là, personnellement, je me suis dit, bon, ben, Kubica, on le reverra pas en F1. Et là, coup de tonnerre récemment, coup de tonnerre. Kubica a fait des essais de F1. Il a fait des essais de F1, des essais privés, au volant d'une Lotus 2012. Donc, des essais organisés par Renault, avec également Sergueï Sirotkin, le pilote essayeur officiel de Renault. Donc c'était sur un circuit à Valence qu'il a fait ses essais-là. Et ça s'est très bien passé. Il a fait 115 tours, aucun souci. 115 tours, aucun souci. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait très plaisir de voir Kubica pouvoir faire ça. Et lui, il s'en est étonné. Il était très content également. Enfin, il était partagé. Partagé entre un sentiment d'être très content de pouvoir faire ça, de se dire ouais, je peux le faire. Je sais, bon, maintenant, la rééducation s'est encore mieux passée que ce que je pensais, et je peux piloter une F1. Et en plus, faire des temps, retrouver, voilà, faire des bons temps, vu qu'il a battu Sergueï Sirotkin, il faisait des meilleurs temps que lui. Et en plus, du côté des ingénieurs, ils ont relevé que Kubica, il était encore plus pointu sur les retours qu'il faisait à propos du comportement de la voiture, de l'équilibre général, etc. Des réglages, parce qu'ils ont voulu simuler en fait un week-end de Grand Prix sur un jour durant ces essais-là, et Kubica s'en est très bien sorti. Du côté de Renault, on dit que c'était ben voilà, c'était un simple essai, quoi. Il n'y avait rien de prévu à l'avenir. Bon, ça veut pas dire non plus que Kubica va pas repiloter au volant d'une F1, au volant d'une Renault, qui sait, hein. C'est juste que c'est pas prévu pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Faut bien lire entre les lignes des déclarations, hein, surtout en sport, et qui plus est la F1. Faut savoir lire entre les lignes. Et Kubica, lui, de son côté, lui, il espère. Hein. Bon, il est déçu, oui, parce que j'avais dit le premier sentiment qu'il était content. Il est déçu parce que il a vu durant cette journée d'essai à côté de quoi il est passé. Il s'est dit, ouais, je suis dans le rythme, donc j'aurais été dans le rythme si j'avais pu continuer la F1. Donc, voilà, qui sait. Du coup, il y a des rumeurs qui viennent direct. On fait le rapprochement entre le fait que Julian Palmer soit au plus mal et qu'il soit menacé de perdre son baquet même en courte saison, et le fait que Kubica revienne aux affaires. On se dit que ça pourrait être l'opportunité de revoir Kubica au volant d'une Renault F1. Ce serait beau, hein. T'as un Kubica-Hülkenberg, ce duo, si Kubica revient au niveau, mais bon, avec des signes, on refait le monde. Mais bon, c'est vrai que Kubica-Hülkenberg, ça a une sacrée gueule, hein, en termes de duo de pilotes. Voilà, c'était ma première news et je souhaitais vraiment bien en parler parce que c'est un pilote que j'ai streamé très bon à l'époque déjà et que j'aimerais beaucoup revoir, quoi. C'était vraiment un talent gâché. Maintenant, on va parler un peu plus de ce qui concerne le sport en lui-même. Évidemment, vous le savez, Liberty Media est arrivé en F1 il y a quelques mois. Ce sont les nouveaux propriétaires du sport. Ils ont déjà changé des choses. J'avais commencé à en parler lors du dernier podcast et je vais continuer à en parler. Donc voilà, ils continuent sur leur lancée, hein, les Américains, sur leur lancée pour améliorer l'expérience des spectateurs notamment. Donc ça passe par l'organisation de festivals de fans lors des Grands Prix. Donc en gros, c'est des grandes zones pour les fans. Ça a été mis en place à partir du Grand Prix d'Espagne de cette année. Des grandes zones pour les fans, avec beaucoup d'activités justement. Hein, c'est un festival quoi. C'est pas un parc d'attractions, ouais, c'est plus festival. C'est vrai que c'était bien trouvé de leur part, hein, le fan festival. Donc il y a des spectacles à voir tout au long de ça, de la grande allée du festival. Il y a évidemment des boutiques, hein, plein de boutiques, hein, par écurie, par pilote, etc. Évidemment. Donc, en J-Spectacle, il peut y avoir des concerts, apparition des pilotes sur la scène qui viennent faire des interviews, les séances de dédicaces, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ouais, j'ai vu quand, parce que justement, ils font des lives Facebook aussi maintenant, la F1, ils en font plus qu'avant, en tout cas beaucoup plus. Ça nous met vraiment dans les coulisses de la F1. Et justement, en Espagne, ils ont filmé ce fan festival et il y avait par exemple des groupes de musique, il y avait quoi? Il y avait des mecs sur des personnes sur des échasses qui étaient avec des comment dire? Des maillots de, enfin des, ouais, les maillots de F1 quoi, des t-shirts de F1, t-shirts Ferrari, etc. qui faisaient un spectacle quoi, des danseurs, etc. Il y a un peu de tout et c'est vraiment cool parce que la F1 c'est pas juste voilà, tu vas t'asseoir sur ton siège dans le gradin et tu regardes les voitures passer voilà, juste à ton virage où tu es. Non, il faut pas que ce soit juste ça, surtout au prix qu'est le billet, il faut qu'il y ait vraiment un plus, et un plus qui amène également de l'argent en plus dans les caisses de la F1, avec toutes les boutiques évidemment, parce que des gens heureux, ça, c'est des gens qui vont déjà revenir, qui vont avoir envie de revenir et envie de consommer F1. Donc c'est très intelligent, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne dans cette affaire, tout le monde y gagne. Et notamment en Espagne, ils ont fait quelque chose de très bien. Je sais pas si ça a été renouvelé ensuite, mais ça, je le trouve vraiment excellent. C'est qu'ils ont inauguré une chaîne exclusive pour les spectateurs sur place, une chaîne sur smartphone, une sorte de chaîne télé sur votre smartphone, par exemple, si vous pouvez pas suivre, si vous êtes à un endroit sur le circuit où il n'y a pas de grand écran, vous avez juste le speaker, et ce que vous avez devant vous, et vous avez une chaîne sur votre smartphone qui vous permet de suivre le Grand Prix. Où que vous soyez. Donc voilà, vous regardez ce qui se passe devant vous, certes, les voitures qui passent, mais quand vous voulez voir une bataille qui se passe à un autre endroit du circuit, vous le pouvez. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Vous pouvez donc suivre le Grand Prix tout entier, parce qu'il y a un argument, et que je reçois tout à fait, hein, c'est de dire, voilà, moi je vais pas aller voir un Grand Prix, parce qu'à la télé, je vois mieux, j'ai plus de perspectives, le réalisateur, il peut suivre différentes batailles n'importe où, etc., etc. Mais là, au contraire, là, ce qui est bien, c'est qu'avec ça contre cet argument, et c'est un argument de plus pour venir en Grand Prix. Donc voilà, tout ça c'est une très bonne initiative de la part de Liberty Media encore une fois. Et pourvu que ça marche, hein, pourvu que ça marche pour le sport. Hein. Moi je veux que le sport réussisse, hein, forcément. Donc j'ose espérer que ça va bien marcher. Aussi il y a toujours plus de live Facebook, j'en parlais hein, avec les coulisses, mais aussi des interviews exclusives. Hein. Ce week-end il y a eu par exemple une interview d'une dizaine de minutes de Christian Horner. Ça peut être tout, n'importe quoi. Il y a eu la course de radeau là qui a été filmée en direct aussi en live Facebook. La course de radeau au Grand Prix du Canada là, qui ça faisait 20 ans, je crois, que ça, une vingtaine d'années qu'il n'y en avait pas eu, ou plus de 10 ans en tout cas. Et là c'est revenu. Donc voilà, beaucoup plus de fraîcheur est apportée par Liberty Media, beaucoup plus de liberté également, hein, ils portent bien leur nom. Et voilà, c'est vraiment bien. Avec également comme nouveauté, les interviews après les qualifications qui se passent devant le public. Donc c'est les gladiateurs qui voilà, ils sont dans l'arène et puis voilà, ils sont au milieu du public, enfin au milieu du public, ouais, devant les gradins et ils se font interviewer là. Et puis il y a des haut-parleurs, tout le monde entend. On a vu là au Canada, c'était quand même excellent avec évidemment c'est mis en scène, mais c'était une surprise pour Hamilton. Par contre, une très très grande surprise, hein, très émouvante. Hein, j'ai eu les larmes aux yeux hein, quand j'ai vu ça. Je m'y attendais pas pour à l'occasion de sa 65e pole de sa carrière. Donc il a égalé le nombre de poles de son idole, Ayrton Senna. Et donc la famille de Senna lui a offert un casque que portait Ayrton Senna en 1987. Et là, ouais, les mots lui en ont tombé. On a vu sur son visage à Hamilton là, c'était pas le visage du mec bling bling et tout, sûr de lui et tout. C'était le visage d'un enfant. On le connaît ce visage d'Hamilton, ému. C'est aussi quelqu'un qui peut être très dans l'émotion, très vrai, très très franc. Donc voilà, là c'était le cas vraiment. C'était vraiment le cas. Et voilà, je pense que ça n'a pas laissé indifférent beaucoup de monde, parce que c'était vraiment émouvant. Donc voilà, la conséquence de tout ça, c'est que les fans de F1 autour du monde se sentent, on va dire, mieux pour le sport, se sentent ont un avis beaucoup plus positif. Et ça, je le dis pas ça au pif. Je sors pas ma boule de cristal. Non, je m'inspire du dernier sondage, du dernier grand sondage qu'il y a eu autour de la F1, une dernière enquête, une grande enquête en 2017, qui a été relayée par le site Motorsport. Et donc, aussi, il y a des centaines de milliers qui ont répondu à cette enquête, dont moi d'ailleurs, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Et donc, la conclusion, une des conclusions, c'est que les fans de F1 sont exprimés bien plus positivement sur la F1 qu'en 2015, vu qu'en 2015, c'était le dernier sondage qui avait aussi rassemblé plusieurs centaines de milliers, hein. Là encore, c'est un sondage historique dans l'histoire du sport, hein, parce que jamais dans l'histoire du sport, on avait fait un sondage qui ramenait autant de monde. Et aussi, c'est ce genre de sondage dont les patrons de la F1, dont la FIA également, vont pouvoir se servir pour améliorer le sport. Et une autre cause, parce que ouais, certes, il y a les actions de Liberty Media, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le règlement 2017 de la F1 qui a beaucoup aidé. Avec cette lutte Mercedes-Ferrari, cette lutte entre Hamilton et Vettel, les deux immenses champions de ce sport qui sont arrivés à maturité, qui sont à maturité tous les deux, qui sont au sommet. Tout simplement, ils ont la trentaine et voilà et ils sont au sommet de leur art. Sauf des fois, il y a des petites errances, mais personne n'est parfait, aucun pilote ne l'est, ça c'est clair. Mais en tout cas, en termes de pointe de vitesse et de maturité en course, généralement, les deux, ils sont très bien, très, très bien. Donc voilà, ça plaît énormément, forcément. Concernant les résultats du sondage, les résultats, ils montrent également, par exemple, que les gens trouvent la F1 moins ennuyeuse qu'il y a 2 ans, plus excitante, plus compétitive et plus prestigieuse. Entre autres, hein, je vais pas tout vous faire. Je vous fais un petit résumé, hein, du principal, on va dire, tout ce qui est intéressant. Également, il y a plus de 80% des gens qui trouvent que la F1 est le sommet du sport auto, alors que, il y a 2 ans, il n'y en avait que 40% qui trouvaient que la F1 était le sommet du sport auto. On sent que les périodes de domination, en fait, sont très mal vécues par les gens. Ce qui est dommage, il faut accepter le sport tel qu'il est. Il faut pas. Parce qu'après, le problème, c'est que la F1 va vouloir artificialiser le truc. Enfin, trouver des artifices pour changer les choses. Et ça, c'est très mauvais. Il faut pas que ça se passe comme ça. Donc, il faut que les gens ils puissent accepter qu'il y ait une domination, qu'il y ait un pilote qui domine, qu'il y ait une écurie qui domine. Là, sur les 3 dernières années, ça a été Mercedes. Dans les années 2000, ça a été Schumacher. Souvenez-vous, à un moment, je me souviens en 2003-2004, déjà autour de la F1, il y avait ces débats-là. Hein, il y avait ces débats-là. On disait il faut changer quelque chose à la F1, il y a qu'un pilote qui domine, c'est chiant. Il y avait ces débats-là, bah ouais, mais le mec il est plus fort que les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'interdire de courir? Je sais pas. Il y a quelque chose. Mais non, il a fallu changer le règlement pour changer un peu les choses, pour que certaines autres écuries puissent mieux s'exprimer. Pourquoi pas? Pourquoi pas tant que ça devient pas ridicule, on va dire, et que c'est pas anti-sportif. Voilà, mais attends, faut vraiment faire attention, hein, les gens. Quand il y a une perte de domination, ça veut pas dire que le sport est mauvais. Il faut l'accepter comme ça et espérer que ça change. Oui, il peut y avoir une modification du règlement. La modification du règlement 2017 va dans le bon sens pour le sport. Ce ne sont pas des artifices du tout, hein. Ça va vraiment dans le bon sens. Et ça c'est vraiment bien parce que du coup, ça ramène du monde également à apprécier de nouveau la F1. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Également en termes de nouveautés, alors qu'on est déjà à plus de 15 minutes de news, hein, je vous prie de m'en excuser. Les cockpits fermés, ça on en parle depuis 2 ans. Donc l'année dernière on a testé le fameux Halo, hein, souvenez-vous, ça a été testé l'année dernière en essai libre. Ça a été abandonné parce que l'avis était un peu trop mitigé de la part des pilotes et des écuries. Et là on passe sur on va dire, la FIA privilégie cette saison le shield, donc le bouclier, une sorte de, comment dire, de petit pare-brise, on va dire, qui est censé protéger la tête du pilote et qui se trouve devant lui, on va dire, et qui est déjà plus esthétique que le halo, ça c'est vrai. Mais voilà, il y a aussi des pour et des contre hein, sur ça. Hein. En écoutant les pilotes, il y en a qui sont pour, il y en a qui émettent des doutes concernant les inconvénients que ça peut avoir, notamment quand il y a de la pluie, voilà, ou autre. Donc bon, à mon avis, même si ça va être testé cette année, que l'introduction est prévue pour 2018, je ne pense pas que ce sera introduit en 2018. Je pense que qu'on va renfermer ce débat-là là où il est, où il était avant, c'est-à-dire où il n'existait pas, parce que voilà, les systèmes présentés pour l'instant ont trop d'inconvénients. Ils ont quelques avantages, hein, les études qui sont sérieuses, hein, qui sont scientifiques, montrent que ça diminuerait les risques de blessures à la tête de tel nombre de pourcents, mais ça couvre pas tout, ça couvre pas toute la tête, et puis il y a des inconvénients sportifs. Voilà, il faut de la sécurité, mais il faut pas qu'il y ait des inconvénients sportifs. Sinon, à ce moment-là, si on veut faire de la sécurité en s'en foutant des inconvénients sportifs, eh bien, vous mettez des chicanes au milieu de toutes les lignes droites, vous en mettez deux à chaque fois, et voilà, et on change tout. Les virages rapides n'existent plus, j'en sais rien. Enfin, faut faire très attention non plus, faire très attention. La sécurité, d'accord, le sécuritarisme, non. Définitivement, ça fait des années que je milite pour pas de sécuritarisme, on va dire. La sécurité, oui, mais le sécuritarisme, non. C'est pas aujourd'hui que ça change dans l'analyse F1. Les accords Concorde, on va reparler un peu de Liberty Media, de tout ça. Les accords Concorde, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour faire de gros changements en F1, sur le règlement technique, les redistributions d'argent, etc., plein de choses importantes, hein, et globales, il faut introduire ces choses-là dans les accords Concorde. Seulement, les accords Concorde, ils se renouvellent tous les, je sais pas, ça dépend, mais là, on les a depuis 2013. Et ça va aller jusqu'à 2020. Donc des accords Concorde qui auront duré 8 saisons, je crois. Un truc comme ça. 8 saisons. 7 ou 8 saisons. Donc voilà, pendant ces 7-8 saisons, ça empêche pas mal d'actions si vraiment on a trouvé qu'il y a un point dans le règlement de la F1 qui pêche, on va dire, et qu'il faudrait le changer. Eh bien, on ne peut pas, on est bloqué jusqu'en 2020 parce que tout a été signé et tout, et on ne peut pas revenir dessus. C'est vraiment, pour le coup, c'est fixe et définitif. Les pros et Liberty Media souhaitent, on va dire, remettre en cause le principe de ces accords. Souhaitent dire, bon, ben, les accords Concorde, ça nuit peut-être au sport finalement. C'est bien pour certains points. Comme ça, le sport ne change pas toutes les 4 matins sur des points importants, mais et les écuries peuvent s'y retrouver également, parce que c'est important pour les écuries également d'avoir des plans sur le long terme. Et oui, c'est aussi pour ça que ça dure autant de temps. Mais sur certains points, c'est vrai que Liberty Media voudrait changer les choses. Mais là, ce n'est pas possible jusqu'en 2020. Donc, on peut espérer qu'en 2020, les accords Concorde soit n'existent plus, soit bien remodelés pour qu'ils soient un peu plus, comment dire, modulables, quoi, en cours d'accord Concorde. C'est-à-dire que pendant la période des accords Concorde, on puisse quand même modifier certains points, mais pas d'autres, parce qu'il faut en effet qu'il y ait de la stabilité pour que les écuries s'y retrouvent. Hein, oui, c'est des investissements sur le long terme que font les écuries, etc. Donc, faut pas qu'il y ait des choses qui impactent trop fortement leur budget, qui soit changé du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc affaire à suivre de ce côté-là, mais c'est très important. Et enfin, dernière actu, j'ai bien fait de sélectionner de pas tous les mettre. Désolé pour le temps que ça met. Hein. Les pneus Pirelli seront plus tendres en 2018. Ah, ça c'est important quand même, ça concerne la course. Hein. Après des choix plutôt de sûreté, de sécurité qui ont été faits en 2017. Parce que ouais, les tests en 2016 qu'ont effectué Pirelli concernait des monoplaces 2015 modifiées. Et modifiées pour ressembler, on va dire, à ce qui aurait lieu en 2017. Malheureusement, c'était relativement concluant, mais pas des masses, quoi. Et Pirelli disait, bon, ben, c'est des monoplaces 2015, quoi. Ça donne une vague idée de ce que seront les monoplaces 2017, mais on n'est pas sûr, parce qu'on sait pas ce que font les écuries, quoi. On sait pas ce que font les écuries. On s'en doute au vu de la réglementation, mais bon, dans le doute, on va quand même faire un choix de sécurité et faire des pneus, on va dire, durs, quoi, un peu plus durs, quoi, que prévu, enfin. Et donc, la firme italienne a fait ce qu'elle a pu. Elle a plutôt bien réussi, hein. Plutôt bien réussi dans le sens où les pilotes, ils peuvent pousser en course. Donc là, déjà, on rentre déjà un petit peu dans le sujet des premiers enseignements de 2017, hein. C'est lié, forcément. Les pilotes peuvent pousser en course pendant bien plus longtemps qu'avant, hein, où c'était vraiment pendant une fenêtre précise où les pilotes pouvaient attaquer. Là, maintenant, même sur certains circuits, pendant tout le Grand Prix, quasiment, ils peuvent vraiment attaquer. Donc c'est vraiment vraiment intéressant, ça les pousse à la limite, hein, on l'a bien vu. Et ils sont plus fatigués qu'avant, ça c'est clair. Par contre, il y a toujours une maladie récurrente des pneus Pirelli, c'est la fenêtre de température de fonctionnement des pneus qui est toujours étroite avec des écuries qui ont plus de mal que d'autres, mais globalement voilà, il faut trouver une fenêtre de fonctionnement de ces tempér une fenêtre de fonctionnement de ces pneus. Et c'est pas évident, quoi. C'est toujours étroit. Et en plus de ça, il y a un nouveau problème. C'est que les pneus sont trop durs. Il y a des pneus inutiles, hein, qui sont embarqués en Grand Prix. C'était le cas au Grand Prix d'Espagne avec les pneus durs, qui étaient vraiment trop durs et inutiles. Pas performants, etc. C'était pas de grip. C'était pas la peine. Et donc, c'est suite à ça d'ailleurs que Pirelli prévoit de changer ses plans pour 2018. Et qu'il y aura des pneus légèrement plus tendres. Parce que ouais, il y a des pneus qui peuvent faire tout le Grand Prix. Donc, qu'on puisse attaquer plus, ok. Mais qu'il n'y ait pas du tout, on va dire, de dégradation. Et que finalement, l'arrêt au stand réglementaire soit seulement, ou presque seulement, à certains Grands Prix, hein, pas à tous, mais à certains Grands Prix, soit juste un arrêt voilà, réglementaire. Qui soit pas dicté par l'usure ni rien. C'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête, faut qu'il y ait quand même une certaine usure de ces pneus. Donc voilà. Et en même, il y a des pneus qui ont l'impression de s'user, de perdre en performance et en grip, mais qui regagnent en performance après. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Comme on l'a vu à Monaco d'ailleurs, avec les pneus ultra tendres, qui ont regagné en performance très très vite. Alors qu'ils avaient perdu à un moment, d'ailleurs, c'est un des facteurs qui a fait la victoire de Sebastian Vettel au détriment de son coéquipier Kimi Raikkonen. Et sans aller plus en avant dans les enseignements de cette saison 2017, parce que là on fait un petit pont, un petit lien, une petite transition, hein. Quel professionnalisme! Et oui, mes chevilles enflent. Non, je plaisante. En tout cas, il y a un petit lien, mais on va pas le faire complètement. On va faire une petite pause quand même avant de reprendre. Je vais vous faire écouter une musique du dernier album de Why Blues, ce groupe grenoblois qui se définit lui-même comme étant de genre jack blues metal. Donc, je vous avais fait écouter déjà des musiques de leur premier opus. Leur premier album précédemment, là c'est le deuxième album qui s'appelle Belong to the Barrel, qui est sorti donc il n'y a pas longtemps, en avril je crois, avril ou mai, et je me suis procuré évidemment, participé à leur campagne de financement participative. Vous pouvez retrouver l'album intégral sur leur chaîne YouTube, hein. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, et également sur leur site, hein, whiteblues.com, donc ça s'écrit yblues.com. Donc on va s'écouter donc la musique qui s'appelle Desert. Bonne écoute, à tout à l'heure. It's about hard time, baby. Looks like the old times. This fucking feeling sad. So it was in my mind. Can't believe once again. The world can be sick. People don't use their brain like in our USA. I'm a Allez, on est de retour pour la suite du podcast où donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein, le vif du sujet, les premiers enseignements de la saison 2017. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Alors je vais revenir sur des enseignements généraux concernant ce qu'a fait la nouvelle réglementation. Donc ça fait un lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est les liens avec tout ce qui se trouve à l'intérieur même du podcast et avec les podcasts précédents. Hein, toujours. C'est important hein, d'avoir une certaine forme de continuité, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. C'est toujours une joie d'en faire de toute façon, et de parler de F1, ça me manquait vraiment d'exprimer mon point de vue qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Hein. S'il se retrouvait quelque part ailleurs, analyse F1 n'aurait aucun intérêt. C'est pour ça que j'essaye d'apporter mon petit sel, on va dire, mon petit... Voilà, je suis un peu une épice. Une épice dans l'univers de la F1. Enfin bref, je m'égare. Et ensuite, je parlerai également écurie par écurie en parlant de ce qu'ont fait les différents pilotes et écuries. Donc on reviendra évidemment un petit peu sur le classement et sur tout ça. Donc tout d'abord, parlons des monoplaces 2017. Spécifiquement les monoplaces 2017, parce qu'elles donnent du fil à retordre aux pilotes pendant les Grands Prix, comme je l'ai dit. On atteste le Grand Prix d'Espagne, où on a pu entendre pendant le Grand Prix, à la radio, Lewis Hamilton essoufflé, on n'en avait plus entendu des pilotes comme ça depuis très très longtemps. Et en plus, Hamilton, on le sait, il refuse même d'embarquer un système de boisson sur sa monoplace, parce que, c'est de la lubie, hein, c'est pour une question de poids. Parce que on le sait, la Mercedes a un empattement long et avait un poids, on va dire, supérieur à celui de la Ferrari. Et donc, tout poids embarqué signifie peut-être des millièmes perdus. Et ces millièmes, c'est vrai que ça se joue au centième et au millième. Hein. Depuis le début de la saison, entre les Ferrari et les Mercedes, c'est magnifique d'ailleurs à voir en qualif. Et donc, ben voilà, c'est pour ça qu'Hamilton, il n'embarque pas de système de boisson dans sa monoplace. Donc c'est quand même fou d'en arriver là. C'est pour ça qu'on le trouvait hyper essoufflé. Donc c'était le cas en tout cas en Espagne. Je sais pas si c'est le cas sur tous les Grands Prix qu'il fait ça. Mais voilà, c'est quand même un exemple assez édifiant. Et oui, car oui, on a une lutte entre deux grands constructeurs, les deux plus grands constructeurs actuels en F1, Ferrari et Mercedes. Ah, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique à suivre. Pourquoi? Parce que le règlement 2017 a offert beaucoup de liberté aux écuries, que ce soit au niveau du châssis ou du moteur également, vu qu'il n'y a plus le système de jetons pour les moteurs, je le rappelle. Et donc des solutions assez différentes ont vu le jour de part et d'autre d'Italie et d'Allemagne. Enfin d'Allemagne. L'usine se trouve en Angleterre pour Mercedes, mais voilà. Mercedes et Ferrari au Grand Prix d'Australie sont arrivés avec des solutions radicalement différentes, hein, et c'est ce qu'on a pu voir. Et de les voir si proches en termes de performance, c'est magnifique. Ça montre déjà à quel point le règlement est réussi, le règlement de 2017, à quel point les ingénieurs ont pu s'en donner à cœur joie, tout le monde a pu s'en donner à cœur joie pour créer ces monstres de pilotage, quoi, ces monoplaces 2017. Donc, par exemple, hein, en termes de différence, Mercedes a un empattement plus grand, Ferrari est arrivé avec des solutions aérodynamiques très pointues, notamment sur l'avant de la monoplace, qui après ont été scrutées, voire reproduites par les autres, évidemment, comme le T-Wing, par exemple, de Mercedes, qui a été repris par beaucoup, si ce n'est tout le monde. Le T-Wing, hein, vous le savez, c'est par exemple, vous avez l'aileron arrière, et devant, vous avez un mini aileron. Ça fait penser, c'était qui avait tenté ça dans les années 90? Je crois que c'était les Tyrell. Vous vous souvenez, les Tyrell, les pires Tyrell de l'histoire de Tyrell, hein, enfin. Pas les pires, mais c'était pas les Tyrell des années 70, ça c'est sûr. Et des années, fin d'années 60 également, je crois, quand il y avait Jackie Stewart. Mais les Tyrell de fin des années 90, là, au Grand Prix d'Australie, je sais plus lequel, là, je les vois avec ce. Aussi, c'était un T-Wing, il me semble, ou c'était même carrément un deuxième aileron arrière. C'était trop bizarre, mais bon. C'est un peu le cas maintenant, c'est aussi moche hein, maintenant. Heureusement, c'est relativement discret sur certaines monoplaces, un peu moins sur d'autres. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, ça sera vraisemblablement interdit pour 2018. Donc, tant mieux. Tant mieux. Tant que ça infecte pas trop la performance des monoplaces, je ne pense pas que ça fera perdre beaucoup de temps aux monoplaces qui en gagnent. Au fur et à mesure, hein, qui en gagne vraiment au fur et à mesure des développements. Donc, au final, les deux écuries se trouvent très proches, et voilà, une lutte pour le titre est amorcée, hein, vraiment entre Ferrari et Mercedes, avec ils s'échangent l'appareil à chaque Grand Prix. Là, on a Mercedes qui a repris la tête du classement, je crois, pour 7 ou 8 points. Ils sont bien devant tout le monde, hein, derrière. Pour 7 ou 8 points, ils ont repris la tête. Mercedes, c'est quand même quelque chose de fou. Et puis on a une lutte entre les deux plus grands champions actuels en termes de titres de champion du monde, Vettel qui a actuellement 4 titres et Hamilton qui en a 3. Donc Vettel qui pourrait égaler Juan Manuel Fangio avec 5 titres et Hamilton qui pourrait égaler ben Vettel, Prost notamment au nombre de titres. C'est vraiment vraiment vraiment vraiment une belle lutte hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure entre deux pilotes qui sont à maturité totale de leur pilotage. En tant qu'homme, tout. Donc, voilà pourquoi c'est génial. On l'attendait cette lutte en 2015, souvenez-vous, quand Ferrari avait très bien commencé la saison. Mais malheureusement, pour eux, la Mercedes était au-dessus, encore une fois. Et du coup, on parlait dès le début d'une lutte Vettel-Hamilton, ça faisait rêver. Ben là, le rêve, on l'a, donc profitons-en, le rêve est réalité. Donc voilà, profitons de cette saison. Pour l'instant, elle est magnifique, les courses sont magnifiques. Le duel est beau entre les deux. On a également deux autres pilotes qui sont Raikkonen et Bottas, les coéquipiers, qui se mêlent parfois dans la lutte, même si, voilà, Ils sont un peu en dessous de manière générale en termes de rythme, mais ils sont pas si loin que ça. Bottas a pu en remporter une. Raikkonen, ça, c'est pas le cas encore, mais à mon avis, ça peut être le cas encore cette saison. Vu la monoplace qu'il a et vu le rythme qu'il a, qui est vraiment proche de celui de Vettel, voire devant même sur certains grands prix. Donc voilà. Bon, mais normalement, Vettel-Hamilton, ça va être ça la lutte pour le titre. Hein. Maintenant, les deux autres sont un peu loin. Un peu loin, malheureusement pour eux, hein, parce qu'ils sont vraiment pas loin. Hein. C'est pas encore des pilotes numéro 2. Hein. Ils vont le devenir par la force des choses, je pense. Mais voilà, ils sont là en termes de rythme. Et quand Vettel et Hamilton sont au meilleur de leur niveau, ça laisse pas trop de place. Hein. Ça laisse les miettes derrière. Hein. Ça, c'est clair. Mais voilà, attention. Hein, Raikkonen, maintenant qu'il a la monoplace pour gagner, ben, on le voit un peu plus, hein, même en qualif. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ça n'a pas jamais été un. Ça a été un bon pilote de qualif, mais jamais un excellent, un monstre de qualif comme Hamilton et Vettel. Bottas, lui, il prend la mesure de là où il est, petit à petit, etc. Il fait du très bon boulot généralement, mais il en veut plus. Hein, ça se voit qu'il en veut plus, qu'il ronge son frein. Mais voilà, il va falloir pas trop tarder, même s'il a déjà gagné un Grand Prix, ce qui est très bien. Donc actuellement, la Vettel, il a pas 25 points d'avance. J'ai mis la 25 points d'avance sur Hamilton parce que j'ai préparé ça avant le Grand Prix du Canada. Mais là, donc Hamilton a récupéré 25, 18, 15, 12. Donc il a récupéré 13 points. Donc il a 12 points. Vettel a 12 points d'avance sur Hamilton suite au Grand Prix du Canada. Et juste avant, il avait 25 points d'avance. Pourquoi il avait 25 points d'avance? Parce qu'Hamilton a fait un Grand Prix de Monaco où il était absent, quoi. Aux abonnés absents en qualif, en course également. Et c'était le cas en Russie aussi. On a vu un ami Hamilton très moyen. Ça fait deux Grands Prix sur 6 qui ont été moyens, deux Grands Prix sur 7, hein, maintenant on peut dire. C'est quasi un tiers des Grands Prix. C'est quasi de trop, hein. L'année dernière également, il y a eu des ratés. Qui lui ont coûté le titre, hein, notamment des départs ratés, hein, mais aussi des grands prix ratés. Aussi des grands prix ratés. C'est quelques errances qu'a Hamilton quand la monoplace ne convient pas à son pilotage. Il a beaucoup de mal à s'adapter en fait et adapter les réglages pour que ça lui convienne et pour qu'il puisse être performant. Pour moi, ça devient plus clair cette situation. Souvenez-vous, Singapour 2015. Bon, c'était Mercedes qui avait du mal, globalement. Il n'y avait pas que lui, Rosberg aussi, donc ça passe encore. Mais, Grand Prix d'Europe 2016 à Bakou. Hamilton était nulle part, nulle part. Singapour 2016, pareil. Ça a été un grand moment pour Rosberg dans sa saison, d'ailleurs, ce Grand Prix, mais Hamilton n'était nulle part. Et Monaco 2017. Quel est le point commun entre ces Grands Prix? Ce sont trois circuits urbains. Je pense vraiment qu'il y a un souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Qu'Hamilton a un problème avec les circuits urbains et sa Mercedes sur les circuits urbains. Il a un problème pour la régler sa voiture sur ses circuits. Après, peut-être qu'il a trouvé la solution parce que suite au Grand Prix de Monaco, il avait dit qu'il irait justement à l'usine pour mieux comprendre ce qui s'est passé pour corriger le tir. Donc peut-être qu'il a compris. On va voir. On sait que quand il travaille certaines choses l'année dernière, quand il avait décidé de travailler les départs, ben après il a plus fait aucun mauvais départ. Là, bon, s'il a travaillé ça à ce point-là, on peut espérer pour lui, il peut espérer ne plus faire ses erreurs. Mais pour l'instant, ouais, sur les circuits urbains, il y a une continuité dans les contre-performances, on va dire. Mais on veut pas voir ça, on veut pas voir ça. Et un pilote de ce calibre doit pas faire ça contre Vettel, parce que Vettel, il laissera rien passer. Il laissera vraiment rien passer, hein. Il est en tête du championnat. Il faut pas faire ça. Pas faire ça. Faut pas contre-performer comme ça. Alors voilà, Hamilton, je te le dis s'il te plaît, sois à 100% tout le temps. Vettel, pareil, sois à 100% tout le temps. Offrez-nous une lutte de tous les instants. Et voilà, et surtout Hamilton n'offre pas à Vettel comme ça le titre sur un plateau en faisant des contre-performances comme ça. Non. Non, non, non, j'espère qu'il va corriger le tir et qu'il n'y aura plus de contre-performance comme ça. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais là, c'est vraiment Hamilton qui peut s'en prendre qu'à lui. vu que bon ben en Russie Bottas gagne la course, hein, donc c'est pas un souci qui concerne la Mercedes. Et à Monaco, ben Bottas, il était trop, non pas troisième du coup, il était quatrième je crois, quatrième. Mais voilà, il était dans un autre rythme que celui d'Hamilton qui était aux abonnés absents. Voilà, alors que bon, pourtant c'est pas un circuit qu'il déteste, hein, Monaco, Hamilton. Je pense pas. Même s'il a mis du temps, je crois, avant de. Enfin. Oui, c'est vrai qu'il a pas du mal, mais il a laissé quand même passer la victoire à de nombreuses reprises, hein, au profit de Rosberg. Hein. C'est vrai. Donc ouais, c'est vrai que les circuits urbains, il les aime peut-être, mais il a un peu plus de mal, on dirait. Derrière les Ferrari et les Mercedes, c'est très loin quand même. C'est très loin. On va parler de Red Bull. On va parler de Red Bull qui se rapproche, mais qui est encore loin derrière. Qui est derrière encore. On va voir, hein, si bon, le Grand Prix du Canada peut redonner un petit peu espoir pour Red Bull. Mais ça reste quand même loin des Mercedes. C'était proche des Ferrari, on va dire, au Grand Prix du Canada, mais c'était derrière en termes de rythme. En termes de rythme, quand on a vu Vettel, là, ce qu'il a fait, bon, il était au-dessus en termes de rythme, hein, mais Ricciardo a très bien géré sa course pour empocher un troisième podium consécutif. Mais voilà, c'est pas encore ça. Les pilotes sont pas complètement satisfaits de leur voiture encore, surtout Verstappen. Et voilà, ils rongent leurs freins, les deux pilotes, parce que les deux pilotes visent un titre de champion du monde un jour, et ils savent qu'ils sont pas loin, qu'ils sont dans un top team, donc vraiment, ils respirent ce titre, ils sentent que c'est pas loin, hein, au niveau de la monoplace, mais la monoplace est encore trop derrière, avec un moteur Renault qui est encore un peu à la peine derrière Ferrari et Mercedes, qui revient, hein, dans la lutte, hein, vraiment, le moteur Renault, mais encore derrière, enfin, le moteur, je devrais dire, pour Red Bull, le moteur Tag Heuer, vu que c'est ils l'ont rebadgé comme ça. Sinon, derrière Red Bull, ben c'est loin, c'est souvent à un tour d'ailleurs, souvent à un tour des leaders, et à l'exception peut-être de Williams, de Force India, et encore, mais voilà, c'est vrai que sur les premiers Grands Prix, on va dire que certaines écuries se sont dit, purée, on est à un tour là, on est 10e, 9e, on est à un tour, ok, pourquoi pas. Pour revenir à Red Bull en termes de rythme, attention Ricciardo, parce que même s'il est devant au championnat du monde des pilotes, devant Verstappen, Verstappen a connu quelques ennuis mécaniques, un peu plus que Ricciardo. Et il reste pas mal de Grands Prix, hein, évidemment, donc ça se compensera normalement. Hein. Mais en rythme pur, on voit que Verstappen prend petit à petit le dessus quand même sur Ricciardo. C'est pas non plus très net, hein. Ricciardo reste vraiment dans le coup, mais Verstappen prend le dessus. Donc attention, attention, Ricciardo quand même, ne pas se reposer sur ses lauriers et sur son classement, hein, vraiment, parce que bon, ben voilà, hein. Verstappen, on le sait, hein, très très rapide, évidemment. Mais bon, par contre, Verstappen reste Verstappen et il n'arrêtera pas ses manœuvres, même si voilà, tout le monde semble dire que oui, qu'il a arrêté, qu'il est devenu plus calme. Non, c'est juste que la Red Bull, comme le dit lui-même Verstappen, se trouve dans un no man's land. Ceux de devant sont trop loin, ceux de derrière sont trop loin derrière. Donc ils font la course entre eux ou seuls, voilà. Donc forcément, il n'est pas mêlé à aucune lutte, Verstappen, donc on le voit pas. Sauf avec son coéquipier. Et peut-être la seule fois qui s'est opposé à son coéquipier, c'était à la fin du Grand Prix de Chine. Un certain dernier tour du Grand Prix de Chine. Alors, on n'a pas trop revu, hein, le ralenti de la manœuvre, hein, je sais pas si vous l'avez revu. Ricciardo qui essaye de dépasser Verstappen au dernier tour, donc à l'issue de la grande ligne droite, au freinage, enfin à l'aspiration au freinage. Ricciardo se déporte donc pour porter son attaque, et juste après ça, Verstappen se décale. Tel un Verstappen de base, quoi, comme il le fait depuis tout le temps en fait. Et comme ça avait, il avait été bien critiqué l'année dernière. Donc voilà, du coup, ben Ricciardo est obligé de lever le pied du frein et de tourner, quoi, pour éviter de percuter son coéquipier. Donc voilà, je trouve ça encore une fois, moi ça changera pas mon avis sur ce genre de manœuvre débile. qui ruine la course. La course auto, ce n'est pas ça. Et on en a vu au Grand Prix du Canada qui font un peu pareil. Magnussen qui est retombé dans certains travers qu'on lui a connus par le passé. Qui a fait ça hein, pas mal. Bon, Sainz, on l'a vu aussi faire ça cette saison. Sauf que Sainz, en plus, il le fait, mais après, il se fait passer. Et ça, c'est généralement, c'est Sainz. Alors que Verstappen, il le fait, mais au moins, il reste devant, tu vois. Après, Verstappen, il a fait ça. Bon, c'était le dernier tour, avant-dernier virage. Il y avait le podium à la clé, il me semble. Donc, bon. Je vais être, on va dire, je vais nuancer mon propos en disant que voilà, bon, vu les circonstances, je peux comprendre qu'il fasse ce genre de choses. Mais ça reste très dangereux et en plus de faire ça à son coéquipier, bon, c'est pas très intelligent en début de saison quand il y a un enjeu, bon, très limite, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Red Bull. Red Bull qui reste, ben voilà, qui fait évoluer sa monoplace. Avec comment dire Adrien Newey qui est bien aux affaires. Donc on peut espérer que ben cette écurie vienne jouer les troubles faites en deuxième partie de saison. Évidemment, ce sera intéressant. Ça fera encore plus de lutte devant. Déjà qu'on en a pas mal, mais là ça en fera encore plus. Ça annonce que du bon de voir Red Bull qui progresse. On verra. On verra, on verra. Ah oui, d'ailleurs Red Bull, ah ouais, c'est marrant. Encore une fois, Dietrich Mateschitz qui a émis des menaces de quitter la F1, qui a dit, ah non, mais c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore fini les menaces de quitter la F1, on continue. C'est ridicule. C'est ridicule de menacer le sport comme ça, surtout que le sport survivrait largement à ce que Red Bull s'en aille, vu tous les grands constructeurs qu'il reste. Donc, c'est une menace, qu'ils font en l'air et qui est très, très mauvaise pour leur image, je pense. Bon, parlons des autres écuries maintenant. Parlons des autres écuries. Williams. Je parle d'abord de Williams avant Force India. Vous allez comprendre. Parce que Williams, comme j'avais dit avant le début de la saison et donc dans le dernier podcast que je vous invite à écouter si vous n'avez pas écouté, vous pourrez faire le lien avec ce que je dis. Comme j'avais dit, Williams a un line-up très faible. Malgré un Massa qui fait le taf. Hein. Felipe Massa fait le taf et il s'inscrit régulièrement comme le premier homme derrière les trois écuries leaders, il a pu s'imposer comme ça. Seulement, voilà, quand il est un peu moins bien, qu'il est pas à son bon niveau, Massa, ben derrière, il y a qui? Il y a personne, il y a qu'une monoplace, en fait, Williams, hein. Parce que Lance Stroll, le débutant, bon, il est rookie, faut être un peu nuancé, surtout en 2017, être rookie, sur ces monoplaces, beaucoup plus physiques, beaucoup plus vive, beaucoup plus difficile à piloter, on va dire, où une erreur est plus difficilement rattrapable et on part facilement tête à queue. Ouais, c'est sûr, mais il est très loin, quoi. C'est pas juste une demi-seconde, hein. C'est des fois 8 dixièmes une seconde de son chef de file. Et en plus, il a une attitude déplorable, hein, enfin, quand il est interviewé. On sent toute l'arrogance, on sent le gars qui est sûr de lui. Alors ok, tous les pilotes, ils ont un ego surdimensionné, c'est normal. Ils ont tous un but, c'est d'être champion du monde, et ils doivent s'estimer meilleurs que les autres. Mais il n'empêche qu'il faut savoir apprendre également. Il faut savoir se dire, ouais, bon, mon type de pilotage, j'y crois. J'y crois dur qu'au fer, c'est meilleur que les autres, je peux le faire, je peux être champion du monde. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'améliorer tout en conservant son style, mais s'améliorer, quoi. Progresser. Se dire qu'on a une marge de progression, non. Si on ne se dit pas ça, et Stroll ne se le dit pas à chaque fois, quand il fait une erreur, il dit il faudra qu'on revoie ça. Il dit jamais je quand il fait une erreur. Et ça, je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, souvenez-vous, où je parlais des manières de communiquer des pilotes avec ceux qui disent on. Bah, généralement, c'est que c'est eux qui ont fait la connerie, mais qui veulent pas le dire et qui se cachent en disant on. C'est une stratégie de communication pour noyer le poisson. Mais moi, ça ne voit pas le poisson, hein. Moi, je te le repêche, le poisson, hein. J'en ai rien à battre, hein. Je le repêche, hein, Lance Stroll, le poisson, hein. Je m'en fous, hein. Je vais aller sur l'île, là, à Montréal, l'île où il y a le Grand Prix, il y a sûrement des coins pour pêcher, et voilà, le poisson, je le repêche. Bref, je m'égare encore, hein, désolé, le podcast est long, mais je me permets de m'égarer, hein. Franchement, je n'ai aucun respect. Bref, mais il ne progresse pas, hein, vraiment, Stroll, alors qu'en plus, Massa lui donne des conseils. Massa, il a été très paternaliste sur le coup. Il a dit en début de saison, Je vais faire. Il a comparé la situation à Schumacher qui lui a passé le relais en 2006 et qui l'a. Où Massa posait beaucoup de questions à Schumacher, même plus que Schumacher aurait voulu que le pilote brésilien en pose, mais Schumacher qui a beaucoup aidé Massa. Et Massa veut aider de lui-même Stroll et lui dit ben, s'il a des questions, qu'il vienne les poser. Et voilà, je l'aiderai énormément. Que pour Massa, l'intérêt, c'est aussi l'équipe. L'équipe qui l'a rappelé, Williams, qui l'a rappelé, qui lui a fait comprendre qu'il lui faisait énormément confiance, qu'il comptait énormément sur lui, etc. Donc Massa veut leur rendre ça également. Ça lui fait également plaisir, également, en tant que pilote de grande expérience, de transmettre son savoir à un pilote qui en a. Qui arrive quoi, un très jeune pilote. Donc voilà, mais Stroll semble un peu imperméable à tout ça. Après, en termes de rythme, Stroll semble progresser légèrement, mais c'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup d'erreurs de pilotage, de crash. Heureusement, il y a eu ce Grand Prix du Canada. Est-ce que ce Grand Prix du Canada va être un déclic? Bon, les qualifs, c'était pas ça. En course, il a bénéficié de pas mal d'abandons, mais il a su faire des dépassements. Les dépassements qu'il fallait, même s'ils n'étaient pas compliqués, mais il fallait quand même les faire, et vu son début de saison, c'était pas gagné, même sur des dépassements faciles, donc c'est bien. Et voilà, il a engrangé quelques points pour son écurie, pour lui, ça lui fait du bien, il faut pas qu'il ait un excès de confiance avec ça, hein, pas du tout, parce qu'il va redescendre sur Terre très vite à Bakou, hein, ça je vous le dis. Hein. Donc voilà, si ça peut lui faire un électrochoc pour se dire, ouais, bon, je peux le faire, je dois le faire, maintenant, il faut que je mette la seconde. Faut que je m'améliore. Faut que je montre à tout le monde que ce que je vaux. Ok. Là, on arrive quasiment dans la deuxième moitié de la saison. Et il faudra absolument que Stroll, à ce moment-là, il soit à moins d'une demi-seconde de Massa. Pour moi, c'est essentiel. Sachant que l'année dernière, Bottas lui mettait quelques dixièmes à Massa. Donc voilà ce que Stroll doit faire. Hein. Il doit être en dessous de la demi-seconde de Massa, hein, de toute façon. Parce que en milieu du peloton, c'est tellement serré, ça se joue à 8, 7, 8 dixièmes, que si t'es plus d'une demi-seconde derrière, ben t'es vite recalé en Q1, comme Stroll l'a été de trop nombreuses reprises cette saison. Et du coup, ben Williams se retrouve pas là où elle devrait être. Elle devrait peut-être être quatrième du championnat des constructeurs. Bon, sur les premiers Grands Prix en tout cas. Pas maintenant. Maintenant, je pense que Force India est plus forte que Williams. Mais Williams, ça se retrouve même derrière Toro Rosso, alors qu'en termes de rythme et tout, Williams est devant. Après, Williams, ils ont du mal avec les pneus quand même, hein, pour faire fonctionner les pneus Pirelli, même souci que l'année dernière. Hein. Ils ont des gros soucis, hein, ce qui peut leur amener même à faire des fois un arrêt supplémentaire, ce qui est catastrophique. Donc ouais, il faudra qu'ils règlent ça également, le châssis qui semble pas non plus extraordinaire, mais qui semble quand même meilleur que celui de la Toro Rosso, faut pas déconner. Mais comparé à Force India, maintenant Force India amène des développements et est meilleur. Force India, parlons-en d'ailleurs. Force India qui, eux, contrairement à Williams, sont un duo de pilotes excellents, qui sont sur la lignée d'une performance énorme qu'ils ont accomplie en 2016, historique pour cette écurie. Et au niveau du développement, c'est intelligent. Maintenant qu'ils se sont montrés, qu'ils ont plus de sponsors et tout. Ils ont deux pilotes très performants, comme ça a été le cas aussi avec Hülkenberg-Pérez, hein, évidemment. Mais cette fois-ci, ils font pas le truc des écuries de milieu de tableau. C'est-à-dire, soit je développe la monoplace pour le début de saison, pour engranger le maximum de points au début, ou soit au début, ben on est un peu, on fait un peu ce qu'on peut, on fait un peu notre possible, et à la fin, on développe. Là non, c'est progressif, c'est intelligent. Ils ont deux très bons pilotes qui apportent un retour très intéressant. Bon, Sergio Pérez, on le savait, hein, c'est un très bon pilote. D'ailleurs, ben, je vais en parler tout à l'heure, hein, lors de High Speed Dating. Donc je vais pas trop détailler ses performances et tout, mais on le sait, c'est un très bon pilote. Mais Esteban Ocon, le pilote français, le jeune pilote français, on savait pas trop. Il avait fait des bonnes performances l'année dernière avec Manor lors de la deuxième partie de saison, mais là c'est sa première saison complète à Ocon, donc il est un petit peu rookie quand même. Hein. Donc c'était une petite inconnue et puis on se disait ouais avec un pilote comme Pérez à côté, il risque de prendre la sauce. Ben non, il a pas du tout pris la sauce, il a beaucoup travaillé. Hein. Travailler cet hiver pour travailler sur ses points faibles parce que Il a vu qu'il avait des points faibles et tout, sur le temps de réaction, sur le regard et tout, qui l'amenait à faire des erreurs. Il a beaucoup travaillé, il s'est amélioré sur ses points, il a renforcé ses points forts également, et il a fait un énorme travail hein, dans ce centre-là qui se trouve dans les Pyrénées. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo là sur la chaîne de Thibaut InShape, qui est venu d'ailleurs dans ce centre, la vidéo YouTube, dans ce centre d'entraînement un peu secret, on va dire. Enfin, il est un peu au milieu de rien, au milieu des montagnes, où Håkon s'est entraîné, qui est très instructive et qui montre comment Håkon, voilà, il est très humble et surtout il veut progresser. Tout l'inverse d'un Stroll, en fait, dans la mentalité. Chaque fois, il se remet en question, souvent. Il dit bon, bah là, j'ai pas été bon, il va falloir remettre ça à plat. Il est très franc, très libéré, très à l'aise hein, devant les médias, très souriant, très bien, très bonne attitude de Håkon, que ce soit au volant ou au micro. Donc, ouais, c'est peut-être un futur très bon pilote français, hein, très grand. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Il a été dans le rythme depuis le début, jusqu'au Grand Prix de Monaco, enfin. Jusqu'au Grand Prix de Monaco exclu, il avait marqué des points à chaque fois. Juste derrière Sergio Pérez à chaque fois, hein, il suivait son chef de file à chaque fois, mais juste derrière quoi. Donc ça dit la performance quoi. Hein. Et en qualif à chaque fois, il se prend pas la demi-seconde par Pérez, hein. Il se prend 2-3 dixièmes maxi. Donc c'est dire à quel point il est proche. Et petit à petit là, il commence à un petit peu à inverser la tendance, on va dire. On voit en essai libre qu'il arrive à prendre le dessus, alors qu'au début de saison, c'était pas le cas. Là, c'est bien ce que fait Ocon. Là, en course, on a vu qu'en rythme de course, avec la stratégie de Force India, là, durant le Grand Prix du Canada, c'était bien, c'était très bien, parce que Ocon était au-dessus en termes de rythme. Il était juste derrière encore une fois en course. Hein. Il ne l'a pas battu, hein, je crois, une fois en course pour l'instant, le pilote mexicain. Mais ça viendra, je pense. Et là, il est juste derrière, donc il marque des points à chaque fois, il fait le boulot pour son équipe, pour lui-même aussi, vu qu'il est maintenant 10e du championnat du monde des pilotes, je crois, ou 8e. Je crois qu'il est 8e en plus. Non, il est 8e, pardon, du championnat du monde des pilotes, juste derrière Pérez. Donc voilà ce que fait Håkon, c'est très bien. La prochaine étape, ça va être de battre Pérez au moins de temps à autre en deuxième partie de saison. Pas forcément tout le temps, hein. Faut rappeler Pérez, hein, l'expérience qu'il a, hein, cette saison F1, hein, je le rappellerai tout à l'heure. Et Håkon, c'est sa première saison complète, donc ce que fait Håkon, là, c'est très bien. Je pense qu'il se révèle aux yeux de beaucoup, aux yeux du public, aux yeux du paddock, et ça fait plaisir. Il doit faire plaisir à Mercedes, qui a soutenu sa carrière, à Renault également, avec qui il a eu des essais, il me semble également, et à Force India également, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Et du coup, Force India, 4e du championnat du monde des constructeurs, est loin devant Toro Rosso et Williams. Et ça, c'est assez fou. Ils sont loin devant, donc déjà la 4e place du championnat du monde des constructeurs, elle n'est pas acquise pour Force India, mais presque, hein, parce que vu l'avance qu'ils ont, alors, sauf si Renault progresse vraiment, mais vraiment beaucoup, ou je sais pas, je vois mal Toro Rosso progresser drastiquement, je vois pas Haas progresser drastiquement. Non plus, McLaren, ben, ça sera certainement trop tard s'ils progressent drastiquement. Donc voilà, Williams, ils sont bien partis pour engranger une nouvelle performance historique, et tout en progression, encore une fois, hein, de ça, hein, derrière les trois top teams, derrière trois teams qui ont je ne sais combien de fois de plus leur budget. Et oui. Toro Rosso, parlons-en un peu, on voit un Sainz au-dessus d'un Kiat, hein, pour l'instant. Une Toro Rosso qui a une bonne monoplace. Mais pas non plus, voilà, c'est Toro Rosso. Mais c'est une monoplace qui peut arriver dans les points régulièrement, avec un Sainz qui est très régulier là-dessus, qui a un très bon rythme. Kvyat qui se rapproche petit à petit au début de saison. Kvyat, c'était vraiment pas ça, hein. Il n'arrivait pas à se qualifier au-delà de la Q1. C'était catastrophique, mais là, c'est mieux déjà. C'est mieux en termes de rythme. Sainz est quand même au-dessus, donc il va falloir corriger ça de la part du pilote russe. Malheureusement pour Sainz, c'est toujours une mauvaise gestion des batailles, hein. Quand il est tout seul en piste, ben, il fait le boulot. Il arrive à ramener des 6, 7e places. Mais quand il doit se battre, c'est tout autre chose. Alors là, quand il doit défendre, il fait encore ses manœuvres dangereuses et tout. On l'a vu au premier tour du Canada, mais c'est pas le premier exemple, hein, de la saison, hein, c'est le dernier exemple en date que je cite où là, bon ben, premier tour, il sait qu'il peut y avoir des pilotes à gauche ou à droite et il maintient pas sa ligne. Après le troisième virage, je crois, il maintient, ou après le deuxième plutôt, il maintient pas sa ligne de course. C'est bon, ben, c'est quand même très risqué de faire ça au premier tour, dans les premiers virages, et du coup ça lui coûte des chances d'aller dans les points, quoi. Alors qu'il en aurait eu, hein. Il en aurait eu. Et voilà, c'est un peu bête. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise sous pression de tout le monde par les dirigeants de Toro Rosso qui ont déclaré cette phrase: on aimerait beaucoup conserver Sainz et Kvyat en 2018. Alors quand on lit ça, si on y prend premier degré, on se dit que oui, que Toro Rosso, ils aiment bien Sainz et Kvyat, ils trouvent qu'ils font du bon boulot, donc ils veulent les conserver. Mais non, Toro Rosso, à chaque fois, les dirigeants de Red Bull, les dirigeants de Toro Rosso, faut savoir lire entre les lignes, ils sont cruels, on le sait. Même si avec Kvyat, ils ont su, ils ont conservé son baquet pour cette saison. Mais généralement, ils sont sans pitié. Ça veut dire tout simplement: attention, Sainz et Kvyat, on aimerait beaucoup vous conserver, mais si un de vous, ou voire les deux, sont pas dans le rythme ou font trop d'erreurs, on n'hésitera pas à vous jarter. D'un autre côté, c'est un message également pour les pilotes, les jeunes pilotes de la filière Red Bull, dont le français Pierre Gasly, en leur disant: bon, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Sinon, ben, Sainz et Kvyat, ils vont rester, hein. Ça, je peux vous l'assurer, ils vont rester. En gros, c'est un message pour tout le monde. Ils mettent sous pression tout le monde pour qu'ils soient au taquet et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et pour aussi, ben voilà, voir comment ils gèrent cette situation de pression. Eh oui, un Red Bull, ils payent, ils investissent dans la carrière des pilotes. Donc ils veulent, qu'il y ait un retour sur investissement. Et pour certains pilotes, sûrement c'est pas le cas. Donc voilà, ils mettent sous pression tout le monde. Mais c'est plutôt, de ce côté-là, c'est plutôt intelligent. Après, voilà, c'est vrai que dans leur manière de gérer, on va dire, les contrats et tout, les renouvellements de pilotes, ils ont pu être assez cruels par le passé, mais bon, ils ont une politique assez claire. Même si, voilà, Sainz, ça serait sa quatrième saison avec Toro Rosso, je crois, s'il est conservé en 2018. Kvyat, ça serait également le cas, hein, quasiment, je crois. Non, Kvyat, ça serait sa troisième, je crois. Alors, attends. Sainz, c'était depuis quand qu'il est chez Toro Rosso? 2015, hein, 2015, 2016, 2017. Donc oui, ça serait bien sa quatrième saison. Et Kvyat, il était coéquipier de Vergne en 2014. Et après, il a été chez Red Bull en 2015. Donc ça serait... ouais, là c'est ça. Ah oui, donc ouais. Il a fait quasiment une saison complète avec Toro Rosso l'année dernière. Là, ça va faire deux saisons, trois quarts, on va dire. Pas complètement trois saisons. Donc ce serait quasiment sa quatrième saison également l'année prochaine chez Toro Rosso, donc ce serait inédit. Donc voilà, c'est un message un peu pour tout le monde, et il faut faire attention. Il faut aussi que Sainz et Kvyat gèrent bien leur avenir, on va dire, en F1, et commencent aussi les tractations via leur management envers d'autres écuries. On sait jamais. Renault, la firme au losange, la firme française, parlons-en. Leur monoplace semble en amélioration. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est Hülkenberg qui arrive à s'inscrire dans les points quasi tout le temps, en termes de rythme, hein, à la régulière. Donc c'est plutôt bien pour cette monoplace qui progresse. Mais voilà, ça se voit pas assez, hein, au niveau du championnat des constructeurs. Ils sont derrière Toro Rosso, hein, par exemple, alors qu'ils devraient peut-être être devant. C'est une question de point de vue, mais bon, voilà. Bon, en même temps, Toro Rosso, on a un Kvyat qui a pas inscrit masse de points aussi. Mais Renault, voilà, c'est encore pire, parce qu'ils ont aussi, c'est pareil, que même problème que pour Williams, hein, sensiblement. Hülkenberg, il exploite à fond sa monoplace. C'est le leader, très clairement, de son écurie. Il s'est affirmé, et voilà, il continue sur sa lancée. Pilote d'expérience, très rapide. Renault s'est pas trompé en le recrutant et en misant sur lui comme leader. Julian Palmer, par contre, c'est sa deuxième saison complète en F1. L'année dernière, il avait aussi du mal en début de saison. Ben là aussi, mais s'il a du mal à chaque début de saison, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il saura redresser le tir? Parce que là, il est quand même très loin de Hülkenberg, hein, à chaque fois. Il est souvent éliminé en Q1. Voire des fois, il est éliminé en Q2 alors que son coéquipier se qualifie à l'aise pour la Q3. Voilà, là il est mis sous pression, un hein, deadline, on va dire, au Grand Prix du Grande-Bretagne. Grand Prix de Grande-Bretagne, si jamais d'ici ce Grand Prix il a pas montré sa valeur et pas inscrit des points, voire battu Hülkenberg, ça risque d'être très compliqué et même Renault risque de le remplacer en courte saison. Et il prendrait aucun risque à le faire vu qu'il fait pas de résultat, de toute façon. Donc ils auraient raison de le faire. C'est bête pour Palmer, hein, le champion GP2 2014, mais bon. C'est comme ça, c'est bête parce qu'il a pas vraiment pas l'air méchant en plus le garçon. Il a l'air vraiment cool quoi. Et en plus, il s'efforce de parler français dans une écurie française. Donc ça c'est bien, c'est appréciable toujours. Mais voilà, il a pas le rythme. À un moment, on le juge sur les performances sportives, hein, pas sur sa tête et tout ou sur sa manière d'être. Il a pas le rythme, vraiment pas. Il le sait, il se sait sous pression. Il a aussi un langage corporel qui parle contre lui, on va dire. Faut voir après, est-ce que c'est le même phénomène que l'année dernière? Une première moitié de saison pas réussie du tout, une deuxième moitié de saison où c'était bien mieux. Mais dans ce cas, s'il fait ça toutes les saisons, c'est un problème également. Ça montre un pilote qui ne sera pas régulier, mais qui peut être assez rapide pour la F1, mais qui pas assez rapide pour aller dans un top team. Mais bon. Déjà, il peut rester en F1, bah, ça sera bien pour lui. À voir, en tout cas, à lui d'améliorer ses performances au plus vite, sinon bah, il sera remplacé, hein. Je pense que Renault tracte déjà bien des pilotes. Il y a des rumeurs à ce sujet, donc je ne sais pas hein, ce qui se passe, mais je pense que ouais, Renault, ils doivent déjà commencer à regarder ailleurs, au cas où. Aïe, aïe, aïe, parlons déjà de McLaren. J'en parle pas en dernier, parce que bon, je pourrais, ils sont derniers. Ils ont 0 points. Ils sont 0. Ils sont zéro, tout simplement. L'écurie est zéro, le moteur est zéro. Ils ont ce qu'ils méritent, finalement. Ils ont ce qu'ils méritent. C'est une très mauvaise politique, à tous les égards. Tous les égards. Depuis des années. Que ce soit envers les pilotes, de prendre des top pilotes alors qu'on n'est même pas sûr, du résultat, de leur vendre la lune et de leur donner, une masse salariale énorme et que du coup McLaren a du mal à assumer tout ça maintenant vu que les sponsors se font moins importants. Et ouais, parce qu'il faut savoir que quand on n'est plus dans les premiers au championnat du monde de F1, ben les sponsors ils vont vers les autres. McLaren a perdu de nombreux sponsors au profit d'autres écuries et donc ils ont du mal maintenant même au niveau des. Enfin, ils ont un peu plus du mal au niveau des finances. Ils doivent un peu plus se retrousser les manches qu'avant, où c'était top team historique. Donc voilà, ça tombait tout seul. Là, ça tombe un peu moins tout seul. Et pourtant, on a un règlement plus libre au niveau du châssis et du moteur. Donc on se disait, ouais, McLaren, ils vont remonter. Là, Honda, ils vont pouvoir mettre en place des évolutions quand ils le veulent. Quitte à prendre des pénalités, mais au moins le moteur sera bon, mais même pas ça, même avec ce règlement, il n'y arrive pas. Honda n'y arrive vraiment pas. Alors certes, ça doit être compliqué quand on arrive avec plusieurs années de retard, parce qu'ils ont commencé à développer leur V6 turbo hybride bien plus tard que la concurrence, je crois 2-3 ans plus tard. Mais même avec ça, on peut leur accorder, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et le pire, c'est que McLaren arrive à se plaindre de ce règlement. Je l'ai lu, hein. Je l'ai lu dans une interview. Je sais plus si c'était Eric Boullier ou Zak Brown qui se plaignait de ce règlement. Alors qu'il est plus libre, hein, pourtant, en termes de châssis et de moteur. Et ils arrivent à s'en plaindre. En disant que ça avantageait ceux qui étaient devant, qui comprenaient mieux la technologie du moteur et qui donc pouvaient mieux progresser. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Alors en premier lieu, il fallait pas qu'ils prennent Honda. Ah, ça aussi, il y a tout faux. Tout faux du début à la fin. La communication, le sponsor ring, les pilotes, le choix du motoriste pour faire un choix qui repose sur l'historique, on va dire, sur les mémoires, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Souvenez-vous, 2013-2014, c'était moteur Mercedes. Ils ont fait de la merde, hein, McLaren. Hein. Et ensuite, ils ont dit, oh, on va prendre moteur Honda. Voilà. On va prendre moteur Honda, c'est parce qu'on n'est pas l'écurie, on n'est qu'une écurie cliente qu'on gagne pas. Et je pense s'ils étaient restés écurie cliente Mercedes, ils auraient pu faire des choses. Mais parce que certes, ils auraient pas les dernières spécifications forcément directement quand Mercedes les ont disponibles et les mettent en place sur leur écurie constructeur, donc Mercedes. Mais bon, ils auraient fait bien mieux que ça, ils auraient pu lutter, je pense, même pour des victoires hein, avec un bon châssis. McLaren, ils ont les personnes, ils ont les compétences pour faire des bons châssis. Donc c'est ridicule ce qu'ils ont fait. Et je plains énormément les spectateurs les fans de cette écurie. Si vous êtes fan de McLaren, je vous invite à vous plaindre envers cette écurie qui respecte vraiment pas son histoire, qui ne vous respecte vraiment pas, qui ne respecte pas les pilotes qui étaient Alonso et Button, qui sont Alonso et Van Dorn maintenant. Voilà, c'est triste hein, quand même. C'est triste, c'est triste. En termes de pilote, mais Alonso, il n'y a rien à dire, il est fidèle à lui-même, il exploite au maximum et même plus que ça à la monoplace, comme d'habitude. Il fait le boulot, mais voilà. Et des fois, il se retrouve dans le top 10 du classement, mais souci de fiabilité. Et du coup, 0 point au compteur. Il a fait une très bonne pige en Indy 500, il faut quand même en parler à Alonso. Très bonne pige où il s'est qualifié dans le top 5 déjà. Pour ses premiers 500 miles d'Indianapolis. Et ensuite, pendant la course, il s'est retrouvé en tête pendant quelques tours, plusieurs tours. Et il s'est retrouvé, et au moment où il a abandonné, encore sur une casse du moteur Honda. Mais bon, le moteur Honda en IndyCar est beaucoup plus performant que le moteur Honda en Formule 1. Donc, on peut faire des comparaisons faciles, c'est marrant. C'est marrant 5 minutes. C'est une blague marrante, vu que c'est un moteur Honda. Mais c'est quand même plus performant qu'en Formule 1. Mais bon, encore une fois sur ça, il a dû abandonner lorsqu'il se trouve en 7e position. Et qu'il commençait à mener la charge pour revenir sur la tête et que voilà, il était dans la lutte pour la victoire hein, concrètement. Donc voilà, on espère le revoir en Indy 500. Sinon Alonso, il a été clair, hein, il a été clair. Si McLaren ne gagne pas très vite, n'est pas capable de gagner une course assez vite, ben voilà, il envisagera de changer de plan et de changer d'écurie. Il a raison, il a raison. En espérant qu'il y ait une place pour lui dans un top team la saison prochaine, ce qui n'est vraiment pas dit. On verra. Concernant Stoffel Vandoorne, son jeune coéquipier belge, j'avais émis lors du... Peut-être la seule erreur que j'ai faite, hein, une des seules erreurs, ça arrive, je me trompe sur des pilotes. Peut-être, mais... C'est vrai que Vandoorne, là, depuis le début de saison, il est pas bon, il est souvent éliminé en Q1, loin derrière son coéquipier, plus d'une demi-seconde derrière. Monaco, hein, qui était la meilleure opportunité jusqu'ici, et Van Dorn était dans les points. Enfin, Van Dorn, déjà, il s'était qualifié en Q3, mais il s'est crashé dans le mur. Ensuite, en course, il était dans les points. La course était loin d'être finie. Il se faisait dépasser par je sais plus qui, mais il a décidé d'insister un peu trop au premier virage à Sainte-Dévote. Et du coup, ben, quand t'insistes trop là, il n'y a pas la place pour deux à la sortie du virage. Du coup, il a dû tirer tout droit dans le mur de pneus à très faible vitesse et c'était assez ridicule, vraiment assez ridicule. Donc voilà, et son langage corporel a changé hein, depuis le début de la saison. Il indique vraiment une confiance qui est légèrement écornée. Mais après, certes, il peut s'en prendre à lui, mais bon, les pilotes rookies, hein, il faut le rappeler, même s'il arrive avec quand même un sacré bagage. Pilote rookie à côté d'Alonso, sûrement le plus difficile des coéquipiers qu'on peut avoir en F1 actuellement. Donc c'est très compliqué. Et puis en plus de ça, il est dans une situation terrible avec une McLaren Honda très très compliquée à piloter. D'autant plus si on n'a pas d'expérience avec ce règlement de 2017. Le fait que la monoplace plus le moteur ça rend les choses catastrophiques. Il faut vraiment adapter son pilotage encore plus qu'avec d'autres monoplaces qui sont plus faciles en termes de réaction. C'est compliqué. Plus les problèmes de fiabilité, ça fait d'autant de difficultés qui font que Vandoorne est là où il est aujourd'hui. Et j'avais dit en début de saison qu'il y avait que Alonso qui pouvait nuire éventuellement à Van Dorn, mais j'avais oublié qu'il y avait McLaren Honda également. Et McLaren Honda nuit à Van Dorn, et j'espère que l'expérience qu'il a cette saison va pas le ruiner, lui ruiner sa carrière. Mais bon, en théorie, si Alonso quitte McLaren, Van Dorn va y rester. Van Dorn, normalement, ça doit être leur plan sur le long terme. Mais comme devait l'être Kevin Magnussen à l'époque, hein, souvenez-vous, hein, ça devait être le plan sur le long terme de McLaren, et ils s'en sont servis également comme un énième bouc émissaire. On en reparlera dans High Speed Dating tout à l'heure d'ailleurs, d'un certain bouc émissaire, hein, de McLaren. Enfin bref, j'espère qu'ils vont pas faire ça avant Dorn, parce que c'est un énorme talent là qui serait gâché. Et il faut pas. Il faut vraiment pas. Et de son côté, Van Dorn, faut qu'il s'adapte. Faut qu'il s'adapte, qu'il regarde sur les. Mais c'est dur de s'adapter, c'est dur, parce qu'il doit s'adapter vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus que si t'étais dans une autre écurie. Donc, ouais, c'est compliqué. Il a pas trouvé ses marques, ça se voit. Donc voilà, courage à lui pour la deuxième partie de saison. Faudra vraiment voir en fin de saison, je pense, pas trop en espérer, mais voir en fin de saison, après l'été, dans les 6-7 derniers Grands Prix de la saison, où il est, s'il peut s'adapter à chaque fois, à chaque Grand Prix, chaque circuit. C'est compliqué. En termes de complications, parlons de Sauber. Sauber qui est l'écurie la plus faible, hein, de cette saison, mais qui a marqué des points. Et ça, c'est encore, enfin, la plus faible. Ça se tape avec McLaren, mais en termes de rythme pur, Sauber est en dessous de McLaren, hein, très clairement. Et pourtant, Sauber a marqué des points, mais ils ont eu des débuts assez difficiles avec le duo Giovinazzi-Ericsson, parce que rappelons que Giovinazzi, le dauphin de Pierre Gasly du championnat GP2 2016, avait été appelé en renfort suite à l'accident de Pascal Wehrlein lors de la course des champions en début d'année. Et puis après, il y a eu le retour de Wehrlein. Retour du Messie un peu. Et direct à Bahreïn, il arrive en Q2. En Espagne, il arrive en Q2 avec sa Sauber. Encore une fois, des grosses performances. Telles qu'il nous a habitués l'année dernière. Hein, le pilote allemand nous a habitués à ça avec Manor. Hein, vraiment. Et il marque 4 points en Espagne. 4 points, donc une 8e place. 8e place en Espagne, c'était inespéré, avec une bonne stratégie, très bonne stratégie, un rythme maintenu, pas d'erreur, et voilà, et Wehrlein qui remarque des points l'année dernière, ça avait été le seul à marquer des points pour Manor, il avait marqué des points pour Manor, là il marque des points pour Sauber, c'est le sauveur des petites écuries, même si, bon, malheureusement l'année dernière ça n'avait pas marché, vu que Sauber avait marqué des points justement en fin de saison, au Grand Prix du Brésil. Mais là, Wehrlein qui pourrait faire beaucoup de bien à Sauber, même si voilà, je pense que McLaren marquera des points d'ici la fin de saison. Il y aura bien un moment où ils vont se retrouver dans le top 10 et il n'y aura pas de soucis mécaniques. Mais bon, c'est une très bonne performance. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de voir Wehrlein à ce niveau, dès son retour. Et bon, par contre, voilà, un autre pilote qui est dans la lignée de 2016, c'est Ericsson. Mais là, et inversé, c'est-à-dire que c'est dans la mauvaise performance. Il reste pas bon, hein, Ericsson, et voilà. Il sera remplacé par Sauber dès que un pilote riche, on va dire, aura le nombre de points requis par la FIA pour participer au championnat du monde de F1. Donc ce sera minimum quand même un pilote rapide. Pas comme Ericsson, qui, quand il a été pris, il n'y avait pas ce règlement des 40 points FIA. Et je crois que il avait pas fait mieux que même il était même pas top 5 du GP2 je crois quand il a été pris 7e ou 8e. Si jamais je fais un speed dating sur lui, vous verrez vraiment à quel point c'est une fraude, enfin une fraude. Ça reste un bon pilote, hein, Ericsson, parce que il faut se remettre dans le contexte. Le contexte de la F1, c'est tous des fous furieux qui ont quasiment tous réussi dans les catégories avant. Ericsson, c'est pas forcément le cas, mais ça reste un pilote correct, un bon pilote, mais bon. Pour la F1, non, clairement non. Non, il n'a pas sa place là, non. Et enfin, parlons de l'écurie As, qui c'est un peu en autre boudin. C'est un peu. Certains Grands Prix, ça veut, certains Grands Prix, ça veut pas. Bon. L'année dernière, c'était qu'en début de saison que ça voulait. Là, bon, ça dépend. Ça dépend. On espère quand même que As, je sais pas quels moyens vraiment ils ont pour apporter des nouveautés dans leur développement en cours de saison. Je crois pas qu'ils aient énormément de moyens à voir. J'espère qu'ils en ont. Hein. Ce serait intéressant pour leur duo. Ils ont toujours des problèmes de frein, en particulier sur les premiers Grands Prix de la saison, où ces problèmes ont perduré par rapport à la saison dernière. Hein. Mais ça tend à s'améliorer, notamment avec. Ils ont testé des nouveaux freins de Carbon Industries. continue les tests et bon, normalement ça s'améliore petit à petit. Aussi, ils ont Kevin Magnussen qui est une assez bonne recrue, qui a réussi à marquer des points cette saison, donc il a fait oublier la blague Gutiérrez, et ça c'est bien. Il a réussi à marquer des points, des fois il parvient Magnussen à se hisser au niveau de Romain Grosjean, voire une ou deux fois par-ci par-là à le passer en termes de rythme pur en qualif. Mais sinon globalement Grosjean domine son sujet, hein. Il faut le dire, ça reste le pilote numéro 1. Et voilà, et si Grosjean finit la saison en dominant Magnussen, eh bien il en sortira d'autant plus grandi, hein, une nouvelle fois. Mais il faut le faire. Et attention, Magnussen il reste rapide, même si au Grand Prix du Canada il est retombé dans certains travers en défense qui étaient inutiles. Et voilà, bon. On a vu le mauvais Magnussen, alors que depuis le début de saison, on voyait un Magnussen qui était plutôt pas mal. Voilà, ça c'était pour la rétrospective, un peu les enseignements écurie par écurie. Que peuvent espérer par exemple Renault, champion du monde des constructeurs? Je pense que les quatre premiers, c'est hors d'atteinte. Force India, ils ont fait une première partie de saison tellement folle, et je pense que l'écurie a deux pilotes tellement forts, une stratégie de développement tellement intelligente, que ben là, c'est bon, ils seront quatrième, ils peuvent même. Non, ils vont pas remonter sur Red Bull, quoique, mais je pense pas, mais ils sont loin là. Mais je pense que c'est plié déjà. Pour eux, donc je pense qu'après ça va se jouer pour la cinquième place au constructeur, et que là on va voir Toro Rosso, Renault, As peut-être, suivant ce qui se passe, et éventuellement McLaren, mais là faudra une amélioration très très rapide des choses hein, pour McLaren. Mais en tout cas, on voit au milieu du peloton, c'est plutôt serré, hein. On voit des batailles entre Toro Rosso. Ah oui, il y a Williams aussi, j'ai oublié, bien sûr, Williams, hein, avec Toro Rosso, Renault. Et après, peut-être As, peut-être McLaren, bon, Sauber, non, je pense pas. Avec un moteur de. Je rappelle, Sauber, ils ont le moteur Ferrari de 2016. Donc, bon, qui avait. Connaissant l'amélioration qu'a connu le moteur Ferrari de l'unité de puissance Ferrari de 2017, ce qui est quand même très importante, bon, à Sauber, ils pourront pas trop faire des miracles cette saison, même s'ils ont déjà 4 points miraculeux. Merci Pascal Wehrlein, encore une fois. Donc voilà, Williams. Après Williams, ils peuvent être 5e net. Si jamais Stroll se réveille, hein. S'il se réveille, voilà, Williams, cinquième, ça, quoi que ça dépend. C'est vrai qu'en termes de gestion des pneus, ils ont du mal. Donc ça va quand même, ça va quand même être serré entre Williams, Toro Rosso, Renault. Ouais, je pense que ces trois écuries-là, ça va être serré. Et puis en course, généralement, ça va être serré également avec les écuries McLaren et As. Donc, ouais, on a une bonne bataille au milieu du peloton. Devant également, donc c'est parfait, on assiste à une bonne saison. Et on avait peur d'ailleurs, on craignait avant le début de la saison, qu'on ait moins de dépassements à cause de l'appui aérodynamique augmenté. Surtout le grip aéro et pas le grip mécanique. Le grip mécanique a été augmenté, mais le grip aéro a été très bien, beaucoup beaucoup augmenté également. Alors les craintes ont été plutôt fondées, hein. On a moins de dépassements que la saison dernière, certes. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons déjà. Plusieurs raisons. On a une aspiration plus grande. Non, non, pardon. On a l'effet du DRS qui amoindrit, et on a des monoplaces qui peuvent moins se suivre dans les courbes rapides. Il y a des perturbations aéro, ce qu'on appelle l'air sale, qui entre en jeu, et du coup, c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas le spectacle, et c'est ça qui est bien. Pourquoi? Parce qu'on a eu un phénomène d'aspiration qui est plus grand que la saison dernière, et un effet du DRS amoindri. Ce qui fait que maintenant on voit un peu plus, même si sur certaines lignes droites, ben voilà, le DRS fait le dépassement, c'est triste. Mais par rapport à l'année dernière, sur certaines zones DRS, ça doit se faire au freinage. Le DRS permet de se rapprocher, et voilà, et on peut faire le dépassement au freinage, et ça c'est bien. Et aussi on a certaines lignes droites où il est possible de vraiment se rapprocher, c'est-à-dire de compenser le fait qu'on n'ait pas pu trop suivre dans les courbes, eh ben la ligne droite qui suit avec le phénomène d'aspiration plus grand, eh bien permet vraiment de se rapprocher et de rester près. Ce qui fait qu'on a des luttes depuis le début de la saison, même si voilà des fois il faut vraiment qu'il y ait une différence de vitesse assez importante entre deux voitures, une différence de rythme assez importante entre deux pilotes pour que il puisse y avoir une tentative de dépassement. Mais voilà, au moins, la tentative de dépassement, elle doit vraiment se faire, vraiment, vraiment, vraiment. Ça représente plus une prise de risque que l'année dernière, ça c'est clair. Mais c'est bien, on voit des luttes, hein. Et on voit des luttes en termes de chrono également, vu que, comme je l'ai dit, les pneus se dégradent bien moins, et surtout, les pilotes peuvent plus s'attaquer, hormis certaines pistes où la fenêtre de température de fonctionnement est très étroite, où là c'est plus compliqué, mais généralement, l'attaque est quand même bien plus présente, et du coup, ben voilà, on a des batailles en termes de chrono, d'endurance, de rythme, de pression, on a tout ça. Tout ça qui est amplifié par rapport aux saisons précédentes et c'est bien cool. Et c'est bien cool. Là où je suis content également, c'est que avec la réécriture du règlement sportif de la F1, comme je l'en avais parlé lors du précédent podcast, on voit des pénalités, beaucoup moins nombreuses, hein, moins nombreuses, qui sont distillées plutôt avec parcimonie. Et ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que vraiment, on accorde une pénalité vraiment si manifestement il y a un coupable dans l'action. Si il y a deux points de vue qui peuvent s'opposer en disant ouais, lui il aurait pu faire ça, ouais, mais lui aussi il aurait pu faire ça, il n'y a pas de pénalité, tant mieux. Tant mieux. Après, il y a toujours des situations où c'est discutable, mais les situations nettes, généralement, elles sont réglées. Mais au moins, on entrave moins la course et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est positif. C'est positif et le sondage de la F1 là montre que c'est bien positif, hein. Parce que si on avait autant de pénalités que l'année dernière, je pense que le résultat du sondage aurait été tout autre, hein, vraiment. Par exemple, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple de truc qui aurait peut-être été pénalisé précédemment, mais pas là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah, il y avait un exemple en tête, je crois, avec Hamilton et Vettel. Ben oui, par exemple, en Espagne, la premier tour entre Hamilton et Vettel, là. Ah non, pas premier tour, la sortie des stands, là. Si ça se trouve, l'année dernière, il y aurait eu une pénalité pour l'un ou l'autre des pilotes, hein, qui sait. Mais non, pas cette saison, tant mieux. Et enfin, dans ce thème, qui a duré quasi 1 heure, en fait. Enfin, peut-être pas 1 heure, mais presque, hein, ouais, si. Les records, ah ouais, là c'est important quand même. C'est important parce que cette saison on voit tous les records de piste, tous les records absolus des pistes sont battus, voire même pulvérisés. Et pourtant on est avec une motorisation V6 turbo hybride. V6 turbo hybride et ces records qu'on bat, ils ont été accomplis sous l'ère du V10. Donc voilà, ça montre le progrès technologique qu'a effectué la F1. Et voilà, ça fait bien plaisir. Et on a des F1 hyper rapides cette saison. Et c'est très bien, c'est très bien. Les pilotes sont contents, les spectateurs sont contents, tout le monde est content, les observateurs également. Donc voilà, la F1 là est sur une courbe ascendante en termes de qualité, et tant mieux. Voilà, c'était tout pour ce thème. On va se retrouver juste après une pause musicale pour la dernière partie de l'émission, le High Speed Dating consacré à Sergio Pérez. Donc si ça vous intéresse, eh bien, restez devant votre poste, ou devant votre PC, ou avec vos écouteurs sur votre smartphone. Ah, il y a tellement de moyens aujourd'hui d'écouter Analyse F1, c'est cool. Enfin, pas devant votre poste d'ailleurs de radio, vu que ça ne passe pas à la radio, mais ça passe en web radio, Analyse F1, sur podradio.fr à divers moments de la semaine, d'ailleurs, sur les différents canaux de Pod Radio. D'ailleurs, coucou à Pof et Phil de autre chose évidemment. Donc on va s'écouter en pause musicale une autre musique de White Blues, la piste suivante sur l'album Eternity. Bonne écoute. That brings you my life. Je l'ai dit tout à l'heure que j'allais en reparler de Sergio Pérez, c'est le moment. Voilà, juste avant, je crois que le dernier speed dating c'était sur Valtteri Bottas. Ben, ses statistiques ont bien changé depuis, du coup. Donc le speed dating sur Bottas, faudra vous l'actualiser dans votre tête avec ses résultats qu'il a accomplis jusqu'à présent. Donc une victoire et de nombreux podiums. Et des tours en plus en tête également. Mais voilà, là on est sur Sergio Pérez. Bon, également, de toute façon, c'est pas écrit dans le marbre hein, ce que je dis. Enfin, sauf pour sa pré-carrière F1, évidemment. Et pour sa carrière en F1 qui s'est déjà passée. Mais pour les statistiques de fin de podcast, voilà, c'est les statistiques, je l'ai dit, c'est pour le fun. C'est pour un peu. C'est un peu rafraîchissant, c'est un peu léger, quoi. Alors que tout ce que je dis avant, voilà, c'est l'historique du pilote avec mon analyse, donc c'est un peu dans un podcast qui dure plus d'une heure et demie, voilà, faut être accroché, faut être motivé. Et d'ailleurs, merci à vous d'être resté à l'écoute jusqu'ici du podcast. J'espère que ça vous plaît. Hein. Désolé, j'ai senti au début du podcast, j'étais bien chaud toute la première partie, et puis après, pour que mon cerveau continue à être bien oxygéné, c'était chaud pour continuer à être fluide. Je l'ai été un peu moins, c'est vrai. Donc, mais j'espère que c'était clair quand même. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, sur les réseaux sociaux d'Analyse F1, Twitter, Facebook ou sur podchose.fr également. Non, sur podcloud.fr en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors Sergio Pérez, oui, parlons du pilote mexicain. Donc il est né à Guadalajara. Il est né à Guadalajara. Ah là là, j'arrive. Guadalajara. Ah là, l'accent. J'ai perdu l'accent espagnol. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'espagnol. C'est scandaleux. Avant je maîtrisais, là je maîtrise plus. Le. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est une grande ville du Mexique. Il est né donc le 26 janvier 1990 dans cette ville. Et donc il a 27 ans. Seulement, j'ai envie de dire, seulement 27 ans, hein, parce que ça fait longtemps, on a l'impression que c'est depuis toujours qu'on l'a vu en F1, mais non, ça fait pas depuis toujours, hein. Si lui ça fait depuis 2 jours, Alonso c'est depuis quand? mais ouais, ça fait quand même longtemps qu'on l'a vu en F1, et il a que 27 ans, et oui, les pilotes commençant de plus en plus jeunes, forcément, donc voilà, il lui reste de belles années devant lui, tant mieux, et normalement, enfin on lui souhaite, et voilà, il est encore jeune. Il a un grand frère qui fait d'ailleurs de la course auto au Mexique. Voilà, c'est à noter. Et qui d'ailleurs l'aura inspiré un petit peu. Il a commencé le karting à 6 ans, Sergio Pérez. Voilà, comme beaucoup. Il a fait des débuts tonitruants en compétition avec 4 victoires et en finissant deuxième du championnat. L'année suivante, donc en 1997, en Youth Class, donc qu'on pourrait traduire par la classe des jeunes, quoi, la catégorie de la jeunesse. Il était le plus jeune d'ailleurs de cette catégorie. Il a de nouveau inscrit de nouvelles victoires au compteur, des podiums, et il finit quatrième du championnat. Donc encore une fois, il se montre bien. L'année suivante, il gagne ce championnat, devenant le plus jeune à l'avoir gagné. Donc là, vraiment, au Mexique, on voit le jeune espoir Sergio Pérez. Et il continue ensuite à avoir du succès en kart, ce qui l'amène à avoir encore plus de visibilité au niveau national et à être courtisé par la Escudería Telmex, donc autrement dit par la marque Telmex, qui est un grand groupe mexicain donc de télécommunications et très puissante marque au niveau financier et qui va grandement aider Pérez pendant sa carrière, que ce soit sa carrière pré-F1 ou même son début de carrière en F1. Et voilà, qui a permis d'être encore en F1 aujourd'hui, très certainement également. Donc voilà, bon, par la suite, en kart, il a des résultats avec des hauts et des bas. Il faut le dire, hein, il n'y a pas eu des... C'était pas fou, hein, certains résultats. Je les ai pas listés, hein, mais voilà, c'est pour vous informer de ça. Et fait intéressant dans ce que je vous ai dit, c'est que Sergio Pérez a juste fait des compétitions régionales et nationales en karting. Hein. Pas internationales, hein, on en a vu d'autres... quand j'ai cité Vettel, Hamilton ou autre, à chaque fois, il faisait les championnats CIK, FIA, tout ça. Non, là, c'est pas le cas. Il est resté au Mexique. Et oui, parce que il a une dizaine d'années, Pérez. Hein. Il faut le voir avec une dizaine d'années. Il allait pas, à 10 ans, aller en Europe, s'installer déjà, pour faire la compète. Et c'est dur, hein, quand on n'est pas européen, d'accéder à ça. C'est pas la même culture et tout. Il était jeune, se déplacer en Europe, voir y vivre un moment, sachant qu'il y a l'école à côté. Bon, c'était trop compliqué, donc c'est pour ça également que il est resté au Mexique à ce moment-là. Du coup, il commence la monoplace au Mexique. Donc, il commence assez jeune, hein, avec le championnat mexicain de Ford Mustang en 2003. Alors ça, c'est pas sûr, hein. Il aurait participé à ce championnat, mais c'est impossible de trouver des informations sur sa performance à ce championnat sur Internet. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Le moyen, ça serait de demander à des gens qui le connaissent, mais sur les sources officielles et tout, sur Internet, impossible de trouver son résultat à ce championnat. Donc, est-ce qu'il y a vraiment participé? Je ne sais pas. Apparemment, oui. Donc, ce serait à l'âge de 13 ans. Mais en tout cas, il a vraiment commencé sa carrière en monoplace à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, donc toujours au Mexique. Et il finit 11e du Skip Barber National Championship dans le team Telmex Racing. Donc, Telmex qui a même des écuries en sport auto. Et ce championnat avait été gagné cette année-là par Marco Andretti. Donc, Marco Andretti qui était quand même bien plus âgé que Pérez à ce moment-là, hein. Il me semble. Il était plus âgé que Pérez à ce moment-là, quoique, c'est pas sûr. Et qui se retrouve maintenant en IndyCar, Marco Andretti. Donc, vraiment, Marco Andretti, le fils de Michael Andretti. La famille Andretti, très prestigieuse aux États-Unis. Et il finit cette année-là également, Pérez, 7e du Skip Barber Dodge Midwestern Series, où il a croisé notamment J.R. Hildebrand, qui est maintenant en IndyCar aussi. Donc voilà, il a croisé des pilotes d'IndyCar en 2004 à l'âge de 14 ans, qui à l'époque n'étaient pas en IndyCar, non, aussi qui étaient des jeunes pilotes. Donc voilà, c'est pas fameux hein, ces résultats, il faut le dire, il n'y a pas de résultats marquants, mais ce sont des débuts en monoplace. Et malgré ces résultats, on va dire, pas très bons, même si voilà, à mon avis, il a dû se montrer parce qu'il était jeune et qu'il puisse lutter quand même dans le peloton. Ça a dû parler, ça a dû quand même bien parler. Et grâce au soutien de Telmex, et malgré des résultats tels que je l'ai dit, il va en Europe à l'âge donc de 14-15 ans. Alors c'est jeune, hein, 14-15 ans, c'est risqué, mais pour atteindre ses objectifs d'être champion du monde de F1, il n'a pas le choix. Il faut prendre ce risque. Et pour progresser également, il faut prendre ce risque parce que c'est en Europe qu'il y a les meilleurs pilotes, et oui. Et puis il y avait aussi son frère en Formule Ford en Angleterre qui avait franchi le pas un peu avant, qui se trouvait habité en Europe, donc forcément ça l'a inspiré, il s'est dit bon moi, je peux le faire. Donc ça a dû faciliter les choses pour lui, psychologiquement, entre autres. Mais voilà, le truc c'est qu'il va dans un championnat allemand en Formule BMW à DAC, donc c'est pas si facile que lui. On pourrait se dire ouais ben il va rejoindre son frère en Angleterre, non pas du tout. Il va en Allemagne, donc rien à voir. Donc c'était vraiment pas facile, mais vraiment pas facile. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pas d'endroit fixe où loger, hein, Sergio Pérez. Du coup, il a passé plusieurs mois, et oui, plusieurs mois à dormir dans un restaurant qui était détenu par le chef de son écurie, Force Speed Media. C'est le nom de l'écurie, hein, Force Speed Media. Donc ouais, c'est quand même fou. Donc en plus, il est coupé de sa famille, de ses amis du Mexique, donc il est dans une culture totalement différente, dans une langue, en Allemagne ça parle allemand, dans le paddock ça doit parler anglais, il doit pas maîtriser non plus l'anglais, vraiment à ce moment-là, voire pas du tout, donc c'est très difficile de s'intégrer, donc son résultat en 2005 où il a fait 14e se comprend, il a fait 14e de ce championnat mais dans des conditions très difficiles, en plus dans un championnat relevé, hein, Formule BMW à DAC, je crois que c'est le championnat qu'avait remporté... Comment il s'appelle? Vettel. Donc c'est très compliqué. Mais il a quand même fait un podium. Il a quand même fait un podium. Il s'est illustré comme ça avec un podium à l'âge de 15 ans. Donc c'est cool pour lui. Il y a croisé dans ce championnat Sébastien Buemi qui a fini deuxième de ce championnat et Nico Hülkenberg, tiens donc, qui avait fini premier de ce championnat. L'année suivante, donc normalement la deuxième année, c'est celle où il doit gagner, il doit tout péter. 2006, il finit sixième de ce championnat, malheureusement. Toujours pas de victoire en plus, mais plus de régularité, donc il y a une certaine progression. Il a fait mieux que ses coéquipiers en points en plus, donc ça c'est bien. Il a fini premier de son écurie. Mais par contre, son coéquipier Stefano Coletti, qu'on vous avez pu retrouver par exemple en GP2, et aussi un petit peu en IndyCar la saison dernière, et en GP2 par la suite, il a fait plusieurs podiums, Coletti, dont une victoire. Donc ça a un peu masqué, je pense, les performances de Perez. Mais voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux, mais c'est pas flamboyant, alors qu'on a vu, oui, dans d'autres high speed dating, les top pilotes tels que Vettel, Hamilton et autres, la première saison, bon, bah, ils étaient un peu en dedans dans le peloton, et la deuxième saison, bam, ils remportaient le championnat en le dominant. Ça n'a pas été le cas là pour Perez, mais bon, faut remettre les choses dans le contexte avec les difficultés qu'il a eues. C'était pas une première saison comme les autres qu'il a eu à supporter. Et là, bon, ben, la deuxième saison, il a fait mieux. Donc, c'est bien. Déjà bien. Ensuite, en 2007, il accède à F3 britannique, mais on va dire la petite division de la F3 britannique, à savoir la F3 britannique National Class. Il a gagné. Il a gagné tout simplement ce championnat avec 14 victoires, 19 podiums et tout ça en 21 courses. Donc, il a dominé outrageusement son sujet. Donc là, c'est vraiment la saison où il a tout cassé. Vraiment, où il s'est montré. Il vit en Angleterre, du coup, pour l'occasion. Là, il a un endroit fixe où loger, hein, croyez-moi. Et du coup, il accède en 2008 à la vraie F3 britannique. Donc, qui est la catégorie très réputée, par laquelle sont donc passés des pilotes maintenant comme Verstappen, Esteban Ocon, etc., etc. Il finit quatrième de cette vraie F3 pour la première saison. Ce qui est pas mal. Même si avant, quand même, il avait quand même pas mal de saisons en monoplace. Et que, bon, on aurait pu espérer peut-être un peu mieux. Mais il y a croisé dans cette catégorie Jaime Alguersuali. Voilà, gros accent espagnol en étant enrhumé. Qui a gagné ce championnat d'ailleurs cette année-là. Comme quoi, Marcus Ericsson également a participé à ce championnat. Et Max Chilton. Donc voilà, mais ça reste une belle performance, même si c'est pas non plus une performance de tout premier ordre. Mais bon, c'est déjà sympa, et avec ça, il va faire un premier... Il va avancer un pied dans l'antre du GP2 avec les GP2 Asia Series en 2008-2009, où il termine 7ème avec 2 victoires. Mais il termine derrière son coéquipier Vitaly Petrov, qui n'a pas fait de grandes choses dans les F1, soit dit en passant. Mais il y avait quand même du beau monde dans cette promo, vu qu'il y avait Kamui Kobayashi qui gagnera ses Asia Series d'ailleurs. Il y avait Jérôme D'Ambrosio, Hülkenberg, Sakon Yamamoto, Guido Van Der Garn, Pastor Maldonado et bien d'autres pilotes connus maintenant. Donc voilà, 7ème. Et du coup, ben, il va en GP2 la saison d'après en 2009. 2009, il termine 12ème de sa première saison de GP2. Il a du mal à chaque fois les premières saisons. Il y a eu que durant la F3 britannique National Class, mais là vraiment le niveau avait pas l'air très élevé vraiment en termes de pilotage, donc il était vraiment au-dessus. Au moins ça a servi à montrer que voilà, il est prêt pour le top niveau européen. C'est cette National Class en 2007. Et puis ensuite de faire quatrième de la F3 britannique également, voilà. Et les GP2 Asia Series également. Et, voilà. Il a fait une belle perf. Bref, c'est légitime qu'il soit en GP2. Hein. Il a quand même sué. Hein. Il a fait combien de saisons là en monoplace? Si on compte, même sans compter 2003, 2004, 1, 2, 3, 4, 5. 5 saisons avant. Donc bon, il a roulé sa bosse. Il va en GP2, il termine 12ème de sa première saison avec 2 podiums. Pas de victoire hein, malheureusement. Il finit juste devant son coéquipier, qui a empoché une victoire. Et pas lui, encore une fois. C'est pas la première fois dans sa carrière où ça arrive, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc c'est dommage, c'est pas tip top. Mais bon, il finit quand même devant son coéquipier. Mais bon, il devra faire ce que d'autres ont fait en réussissant le deuxième essai, quoi. Il faut que le deuxième saison en GP2 ce soit réussi, quoi. Ce soit vraiment réussi. Durant la première saison en GP2, il a croisé de nouveau Hülkenberg, qui a remporté la saison de GP2 en 2009. Petrov, Di Grassi, Grosjean, Maldonado, Van Der Garn, D'Ambrosio, Kobayashi, Shandok. Donc vraiment une grosse promo quand même, il a fini 12ème de cette grosse promo. En 2010, voilà, il réussit le coup, il fait 2ème de GP2, avec 5 victoires, hein, 5 victoires. Hein. Donc là, voilà, il fait ce qu'on lui demande, C'est vraiment un bon, très bon pilote et il le montre. Il a réussi sa saison et c'est capital pour aller en F1, quoi, pour la suite de sa carrière. Pour que les sponsors viennent à lui également, les sponsors mexicains, ce qu'il réussira à amener avec lui et qu'il réussira à amener sur les écuries en F1. Ce qui lui a permis d'avoir un baquet assez vite et à conserver ses baquets également. En plus de ses performances, évidemment, que je vais en reparler. Mais il y a les deux, hein, et ses performances sont là. Donc, durant cette deuxième saison de GP2, il a croisé Maldonado, qui a remporté cette saison de GP2. Jules Bianchi, il le regrettait. Guido van der Garde, qui était son coéquipier, et qui s'est fait laminer par Pérez. Charles Pic, D'Ambrosio, Ericsson et Chilton, entre autres. Donc voilà, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a un progrès hein, au niveau de tous ces résultats et que son entrée en F1 est tout à fait logique maintenant. Et ces progrès sont intervenus aussi parallèlement à des progrès dans ses conditions de vie. Vraiment. Et quand il s'est senti de mieux en mieux intégré en Europe, eh bien il a fait de meilleurs résultats, parce qu'il pouvait vraiment se concentrer sur son pilotage, sur l'avancée de sa saison, tout ça, sans se préoccuper des difficultés de sa vie privée et d'être un peu seul, moins de solitude. Et voilà, il entre en F1 avec tout ce que ça implique. Il entre chez Sauber en 2011. Et en 2011 et 2012, il est le coéquipier de Kamui Kobayashi, donc un duo de pilotes vraiment excellent, très spectaculaire, vraiment très spectaculaire. Ça, on peut pas leur enlever. On découvre donc un Sergio Pérez hein, qui est un pilote qui prend des risques, qui parfois trop, mais qui est capable d'exploits également. Capable d'exploits, pourquoi? Parce que dès sa seconde saison, il a fait 3 podiums au volant de sa Sauber. Mais ça, c'était inattendu. 3 podiums à la force du poignet, à la force de son rythme également, de saisir les meilleures opportunités, d'appliquer la stratégie de son écurie à fond. Et également de sa propre gestion des pneumatiques. Il s'est illustré par ça en 2012. Il s'est illustré comme un des pilotes qui gère le mieux les pneumatiques Pirelli. Et du coup, 3 podiums. Et voilà. En 2011, il a fait 16e du championnat. En 2012, il a fait 10e du championnat du monde des pilotes. Voilà. En 2013, du coup, suite à ça, parce que c'était une des révélations en 2012, Pérez, ben du coup, McLaren l'appelle, se dit, bon, McLaren, ils disent, on va pas passer à côté du... Peut-être de la nouvelle star, de la star montante, on l'appelle. Malheureusement, il finit 11e du championnat sur une McLaren moribonde, qui n'a rien à voir avec la McLaren de 2012. D'ailleurs, McLaren qui s'est montré très arrogant cette saison-là, qui a refusé de revenir à un châssis type de 2012, qui a fait confiance à un châssis de 2013 très mauvais, et du coup, ils ont fait une mauvaise saison. Du coup, c'était pas vraiment une avancée pour Pérez dans sa carrière. Au contraire, hein, ça l'a plus desservi qu'autre chose. Il n'a pas fait une très bonne saison. Il a fait une saison moyenne, hein, Pérez. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça, c'est clair. Il doit s'en vouloir pour ça. Mais également, à côté, il était à côté de Button. On attendait quoi? Qu'il batte Button, qui était champion du monde et qui avait passé déjà 3 ans chez McLaren. Non, faut être sérieux. Et fallait pas attendre ça. Mais bon. C'est vrai qu'il a été assez moyen et on a vu ses mauvais côtés un peu trop également, c'est-à-dire un pilote qui prend un peu trop de risques parfois et des fois ça casse malheureusement. Et du coup, en plus McLaren, en plus de cette arrogance vis-à-vis de leur châssis, ben s'est servi de Sergio Pérez comme le bon bouc émissaire. C'est-à-dire en 2013, on a plus parlé de Pérez. Qui faisait des erreurs, parce que là il était sur le devant de la scène dans ce top team historique qui est McLaren, et qui s'est retrouvé aux oubliettes du classement constructeur cette année-là, mais bon, on les voyait quand même, c'est quand même une écurie très médiatisée, et du coup on voyait un peu plus Pérez, et du coup, McLaren ils se sont dit, ah tiens, les médias parlent de Pérez, bah tiens, on va en remettre une couche, comme ça ils parleront plus de lui que de notre châssis de chiasse, donc en gros c'était ça. Et du coup, ils se sont dit, on va virer Pérez, voilà, on va s'en servir comme d'un bouc émissaire en disant que ses performances n'étaient pas suffisantes et qu'il aurait pu faire mieux. Voilà. Du coup, on parle moins du châssis de McLaren. Voilà, c'était ça en gros. Et Pérez a été écarté, mais malheureusement, Pérez s'est pas fait une bonne image dans le paddock. Suite à cette saison chez McLaren, ça a été très dur pour lui de remonter la pente. Mais il a réussi. De 2014 à encore aujourd'hui, il s'est retrouvé chez Force India. Pendant 3 ans, il était le coéquipier de Nico Hülkenberg, qui à ce moment-là était aussi un pilote qui était un bon pilote, hein, qui montait. Et qui, Hülkenberg d'ailleurs, qui... Un pilote qui montait et qui était prometteur, tout simplement. Des prometteurs, mais qui avait aussi des choses à prouver, qui avait pas une image 100% blanche dans sa carrière, Hülkenberg. Et du coup, c'était intéressant, c'était une lutte intéressante. Au début, en 2015, il est dominé par Hülkenberg, assez largement. Hülkenberg est bien plus régulier, même si Pérez est toujours capable d'exploits. Toujours, hein. Toujours. Parce qu'il a fait des podiums, il a fait des podiums à chaque fois. De 2014 à 2016, il a fait 4 podiums, donc, et dont au moins un à chaque saison, une saison où il en a fait 2. Voilà, et ça, Hülkenberg en a fait 0 podium, hein. Donc, mais en 2015, il manquait de régularité, Pérez. En 2016, au début, ben, Hülkenberg était sur la continuité de 2015, donc dominé Pérez, mais ça s'est inversé. Petit à petit, ça s'est inversé sur la fin de saison, les derniers Grands Prix, la deuxième partie de saison. Pérez avait pris le dessus sensiblement sur Hülkenberg. En 2014, qu'il a été complètement dominé par Hülkenberg. En 2015, c'était à toi à moi en gros, avec en fin de saison Pérez qui prend la mesure et domine un peu Hülkenberg, prend le dessus. Et en 2016, Pérez qui domine Hülkenberg quasiment de bout en bout. Hülkenberg qui ne verra pas le podium, qui ne goûtera pas au champagne alors que Pérez oui, et Pérez qui trouvera la régularité en plus. Donc Pérez arrive à une maturité de pilotage exceptionnelle et fait partie de ces pilotes qui mériteraient, on va dire, une place en top team, tout simplement. Au moins une saison. Il n'en a jamais eu finalement, parce qu'en 2013, McLaren n'était pas dans les premières écuries, largement pas. Hein. Une très mauvaise saison dans l'histoire de McLaren en 2013. Donc voilà, il mériterait Pérez. Alors, est-ce que l'opportunité se présentera? On sait que les places, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je pense que l'opportunité se présentera à un moment. Il lui reste encore de belles années quand même en F1. Il y aura bien au moins un an où ça le fera. Et là, il faudra qu'il exploite cette année à fond. Si jamais il n'y en a qu'une. Alors, pour revenir sur la personnalité de Pérez, on a vu, c'est quelqu'un quand même, à travers sa carrière, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui ne lâche rien. Il aurait pu revenir au Mexique en se disant c'est trop dur, non. Il avait un objectif, une ambition d'être champion du monde de F1. Et il n'est pas encore arrivé, mais il est en F1. Il est arrivé à une première partie d'objectif. Et il a surmonté les difficultés qui se sont mises à lui. Que ce soit en difficulté en piste, difficulté aussi en termes de médias en F1 là, suite à sa saison avec McLaren, où il a su, hein, c'est très fort de remonter la pente comme ça et de se recréer une très bonne image. Donc voilà, Pérez est là. Et en plus, il se crée une bonne image auprès de tout le monde. C'est quand la saison dernière, c'était je crois dans l'intersaison, il se permet de lâcher un sponsor. Pourquoi? Parce qu'il y a un de ses sponsors qui s'est permis de lâcher une phrase très malheureuse envers les Mexicains par rapport au mur là que veut faire Trump là à la frontière américano-mexicaine. Eh bien, il y a eu un sponsor qui a eu une phrase assez irrespectueuse pour les Mexicains et Pérez, ça lui a pas plu. Pérez, il a dit ben non, ben je lâche le sponsor, tant pis pour vous. Le sponsor a supprimé le tweet, c'était un tweet il me semble. Qui était supprimé, mais il s'est excusé, mais Pérez il a dit non, vous l'avez dit, c'est trop tard, je vous lâche. Donc voilà, un pilote qui se permet de lâcher un de ses sponsors, c'est rare. Alors certes, il en a pas mal, hein, Pérez, mais bon, c'est quand même très bien de sa part, très louable en tout cas. Pour finir ce podcast qui a duré très longtemps et que je vais mettre longtemps à monter, je suis triste à cette idée. Je suis impatient de vous le publier, mais de le monter, qui est la phase intermédiaire, ça va être long. Mais je vais le faire. L'enregistrement restant évidemment la partie la plus intéressante pour moi. Donc Pérez, au niveau des stats, cette saison en F1, 121 Grands Prix, 4 meilleurs tours en course, 7 podiums et 23 tours en tête. 23 tours en tête, ça représente 7 podiums déjà en 7 saisons, ça fait une moyenne d'un podium par saison. Vu les écuries où il était, c'est pas mal. Déjà 120 Grand Prix quand même, hein, 120 Grand Prix. Et voilà, 23 tours en tête, je ne sais plus quand, mais 23 tours en tête, qui représente 115 km. 115 km, eh bien, c'est la distance qui sépare Carpentras à Marseille. Et oui, dans Analyse F1, vous sentez l'été, vous sentez le sud. Et voilà, si vous êtes de Carpentras, que vous voulez aller à Marseille, vous détendre sur la plage, sur la canebière, bien allez-y. Allez, bon été à tous. On se reverra bien sûr pendant l'été, j'espère. En juillet ou en août, plus vraisemblablement en août, je pense, pendant la trêve estivale. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment cool de vous retrouver au cours de cette émission. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, hein, évidemment, auprès de vos amis, de votre famille qui peut aimer la F1 éventuellement. Et on se retrouve donc, je ne sais pas quand, sûrement en août, hein, pendant un trêve estival, comme je l'ai dit. Mais si c'est un peu plus tard, vous inquiétez pas, je ne suis pas mort, je continue à poster un petit peu ici et là sur les réseaux sociaux. À propos de la F1, même si je poste pas sur tout, parce que je me garde des... Évidemment, je garde des trucs pour l'émission, parce qu'après, j'aime pas trop quand je marque un truc sur les réseaux sociaux et que je le répète, j'ai l'impression de redire les choses, j'aime pas avoir cette impression. Ça fait un peu pas naturel, c'est ça qui est dommage, donc voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bons Grands Prix, et tous ensemble, hein, devant les Grands Prix de F1, comme d'habitude, hein, ça changera pas. Vivons notre passion. À bientôt tout le monde, portez-vous bien.